blame on our colonial fathers. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they have caused the present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. They saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Campus Orsay. On est vendredi. On est vendredi combien, William ? 23. Je dis ça parce que j'ai entendu un enregistrement de nos premières émissions. Et genre, c'est la première question que je te pose, c'est bonjour à tous, on est sur Radio Campus Orsay. On est quel jour, William ? Et du coup, ça m'a fait rire, j'avais envie de le ressortir. Tu veux faire un running... Pas running gag, c'est pas vraiment un gag. Mais c'est alors... un jeu de mots avec la date, mais il n'y en a aucun qui est fait à l'esprit. Non, je voulais pas faire de jeu de mots avec la date. Aujourd'hui, on a un nouveau chroniqueur qui vient d'arriver à la radio. Salut. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Roderick. Roderick ? Pas du tout, il s'appelle Alexandre, voilà. C'était une blague. Ah, on applaudit Roderick. On écoute actuellement Africans de Neka. Voilà, c'est mon papa qui m'a dit qu'il fallait mettre cette musique, du coup j'ai mis. Et moi je la trouve qu'elle est jolie. Elle est bien. Merci, bien, merci papa. On a Tiffen, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, de plus en plus, t'as de plus en plus envie de venir. Ouais. Ça te plaît ? J'ai volé à la place de Martin, c'est exceptionnel. C'est juste une pure connasse, c'était erreur. D'accord, alors pas de gros mots. Juste avant où je suis arrivé. Ah. Bon, c'est pas grave, les places ne sont pas attribuées définitivement. Par contre, je tiens à dire une chose, c'est que c'est toi qui as mes lunettes de soleil. Oui, j'ai les lunettes de soleil dans le studio, il y a beaucoup trop de soleil. Ouais, là, on est vraiment c'est à la plage. Lumière. C'est ta beauté qui nous illumine en fait. Ouais, c'est pour ça que moi je mets des lunettes de soleil. C'est pas logique. Mais et on a notre invité mystère. Bonsoir. Alors, il faut que tu t'inventes un prénom. Bon, disons que je vais m'appeler Jackie le temps de ce... c'est très beau, Jackie, bravo. Tiens. Il est mystérieux. Hein. Donc, on va partir sur Jackie. Mystérieux. Alors, Jackie, tu es sur le campus d'Orsay, il me semble. C'est ça, et oui. Et tu étudies. J'étudie, ça dépend. Ça dépend, il y a des jours j'étudie, ça dépend des jours je reste dans mon lit. Ça rime. Bon, t'as un accent un peu chantant, tu viens d'où ? Le sud. Du sud ? Le soleil, les cigales. Quel sud ? Le sud-ouest. Ah, c'est pas trop les cigales. Les canards, le foie gras. Et tu fais quoi comme étude ? La biologie. La biologie. Bang bang. Ouais, comme Tiffen. Ouais. La biologie, c'est la vie, tout simplement. Ah, on se connaît bien, Jackie et moi. c'est tellement bizarre à dire, mais c'est pas grave. Donc tu connais Jackie. Tiffen et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis... Ouais, c'est ça, vous avez pas un truc à nous raconter. Plus d'un an maintenant que je la connais. Plus d'un an. Alors, tu l'as rencontrée à quelle occasion, Tiffen ? La toute première soirée que son association a pu organiser. D'accord. Dans un bar à Paris, le O'Sullivan's. Ah oui, mon dieu. Donc l'association Labo a organisé, vu que c'est un BDE de biologie, évidemment, l'association Labo. Ce n'est pas un BDE pour la 150e. Ouais, à peu près. D'ailleurs, voilà, c'est tout. D'ailleurs, l'événement de ce soir est décalé d'ailleurs, au 30 mars. Exactement. Oui, c'est ça. Nous serons donc tous présents, je l'espère. Oui. Et il y a encore des belles rencontres telles que Jackie et Tiffen, la prochaine fois. Tout à fait. Merci Jackie et Tiffen. Merci Jackie et Tiffen. Génial. Pourquoi tu fais de la biologie ? T'as un but ou c'est la matière qui t'intéresse ou un métier que tu envisages ? En fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis construit un but. Parce que bon, j'ai bien eu le temps d'y réfléchir, j'ai redoublé. Donc bon, vous pouvez être fiers de moi, mais finalement, ça m'a donné le temps de me construire un projet professionnel concret. De base, j'étais en PACES et je me suis dit je vais faire médecine parce que j'étais en PACES, j'étais jeune, con et j'avais pas de but dans la vie. Donc je me suis dit il n'y a rien de plus simple de s'inscrire en PACES, d'arriver et d'échouer comme beaucoup de gens en PACES, les 4/5 des étudiants en PACES et je suis venu en biologie. Et une fois venu en biologie, je me suis dit je vais bosser dans le vin parce que d'ailleurs j'ai de la famille qui travaille là-dedans, ça m'a beaucoup inspiré pour cela. Et puis je me suis dit qu'à l'étranger, il y a énormément d'opportunités à faire, puisque j'ai pu connaître des gens dans la vie qui ont pu énormément réussir leur vie comme ça, de leur vie, de leur passion, dans le monde entier, puisque dans le monde entier, ils ont besoin de nous pour leur soirée, pour leur repas. Grâce au vin français. Du vin français, du vin du monde entier. Chaque vin dans le monde entier a plus ou moins des leurs propriétés, leurs goûts. Parfois ça change en fonction des pays, j'ai pu remarquer. D'accord. Et est-ce que tu as ton palais s'est développé avec ta famille, enfin, comment dire ? Avec les soirées. Avec les soirées. Est-ce que tu as un palais de œnologue qui s'est développé ? Ça dépend de mon taux d'alcoolémie en fait. Donc ça augmente avec la soirée ou ça diminue ? C'est ça, ça augmente, mais ma tolérance augmente aussi. Je me souviens d'une soirée où des amis ont commencé à me faire boire du vinaigre. Enfin, j'ai une très bonne mémoire concernant les soirées, et qu'importe mon alcoolémie, j'aurai toujours une mémoire intacte. Et je me souviens d'une soirée où des amis ont commencé à me faire boire du vinaigre. Mais je croyais que c'était quelque chose d'assez mauvais, mais je sentais qu'il y avait quand même... Il y avait une couille dans le pâté, quoi. Voilà, il y avait une couille dans le pâté, mais ça restait bon, donc j'ai continué à boire. Donc très belle anecdote, ça, du coup. Des super amis, ils font boire du vinaigre à Jackie. On va refaire un big up. Prochaine soirée, je te fais boire du vinaigre. Allez. Le 30, je te fais boire du vinaigre. Bah, tu ramènes le vinaigre ou je le ramène, tu sais, ce le soir, je te fais boire du vinaigre. Oh. Ah, quelle amitié. On se ramène tous une petite bouteille de vinaigre. À boire avec modération, je prends le volant. Ouais. Je déconne. Moi, j'aurais des questions après à te poser sur ta famille qui travaille dans le vin, parce que c'est assez vaste, travailler dans le vin. Mais avant, une petite pause musicale. Est-ce qu'il y a une musique que tu apprécies ou que tu écoutes ces derniers temps et que tu aimerais nous partager ? Quelque chose d'original ou très commun ? Quelque chose d'original. Je te prends un peu de cours là. Bah là pour le moment, le dernier morceau que j'ai écouté, j'étais à poil dans ma douche et j'ai commencé à me. C'est mieux pour se doucher, c'est plus pratique. Bon, parce que d'habitude tu mets des maillots de bain, c'est pour ça. Mais là je me suis retapé la playlist complète de Lady Gaga. Donc tiens, le dernier morceau que j'ai écouté, je peux vous le balancer tout de suite. Vas-y, c'est quoi ? Tuc. Téléphone. Judas. Non, téléphone, tu peux pas lancer téléphone. Très bien, si. Téléphone. On se retrouve juste après téléphone de Lady Gaga pour pouvoir découvrir un peu Jackie, notre invité mystère. Parfait. Hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. téléphone de Lady Gaga. Alors ce soir, Renan, il a pu arriver en avance vu que c'était les vacances, mais il décidait de faire le timide et de rester assis avec les invités, avec le canapé, voilà. Pourquoi Renan ? Coucou. Coucou. Écoute, faut un peu laisser sa place, hein. Faut un peu laisser sa place. Des fois, hein. J'ai cru qu'on faisait une équipe, moi. Non, mais c'est vrai que des j'ai fois. J'ai cru que c'était forever. Certains dictateurs gardent la place derrière les manettes pour contrôler les petites pantins de la radio, tu vois, ils n'accordent jamais. Et puis d'autres grands démocrates décident enfin de laisser la place aux minorités, mais je vois que ce n'est pas ton cas, Mathias. Un peu un petit problème d'ego, peut-être. Je pense que c'est ça. Bon, revenons au sujet principal, c'est-à-dire notre invité. Ah, le fameux. Jackie. Donc bonsoir, oui. Rebonsoir. C'est quoi, bonsoir. Question difficile. C'est quoi ton type de vin préféré ? Mon type de vin préféré, en fait, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. En général, ce serait plutôt pour un blanc sec, ça dépend duquel. Le blanc d'Alsace, j'aime énormément ça. Enfin, il y en a deux que je connais que je connais énormément. Le vin d'Alsace et le vin de Bordeaux, surtout. Puisque c'est tu viens de Bordeaux, toi ? Ouais, je viens de Bordeaux, mais j'ai passé 8 ans en Alsace. Donc franchement, globalement, le vin d'Alsace, franchement, peut être excellent. Il y a absolument de... C'est assez varié. Franchement, c'est assez varié. Mais donc, globalement, je dirais un bon blanc sec d'Alsace ou de Bordeaux. Genre un Pessac, par exemple. Mais en soirée, ce serait plutôt quelque chose de plus sucré. Pour mieux faire passer la chose qu'on en prend en grande quantité. Mmh. Genre, quand on descend une bouteille complète, c'est beaucoup plus facile à descendre. Le sucre avec l'alcool, c'est le principe un peu des cocktails, hein, en soi. Mmh. Un petit peu. Alors, t'es quelqu'un de très fêtard, parce que tu nous parles beaucoup de soirées. J'adore. J'en fais beaucoup dès que possible. Le week-end dernier encore, j'étais à Bordeaux, d'ailleurs. Je suis descendu, j'ai fait 600 km pour l'anniversaire d'un ami, et franchement, je ne regrette pas. Et je ne regretterai jamais. C'est très rare que je me dise... que je me suis déplacé pour faire une soirée, que c'était une soirée de merde. Parce que t'es là, tu mets l'ambiance. Toujours. Mais franchement, est-ce que c'est impressionnant parce qu'on voit que tu fais vraiment attention aux qualités des vins et surtout aux circonstances dans lesquelles on peut apprécier un vin. Et donc, on dirait que pour toi, en fait, un vin n'est jamais bon absolument, mais il est bon selon les circonstances. Et donc, t'approuves ou pas Comment ça j'ai l'impression que quand tu décris ton amour du vin, tu sembles dire qu'aucun vin n'est bon en soi, mais qu'il est toujours bon selon les circonstances dans lesquelles on Mais tous les vins sont bons, mais qu'importe le contexte, en fait. Ouais, ça va. Tous les vins sont bons, mais qu'importe le contexte, en fait. Il y en a qui sont plutôt bons pour un repas, pour un dîner, et d'autres plus festifs, comment dire. Hein. Par exemple, à Bordeaux, on a l'habitude soit de faire des mélanges avec le vin. Par exemple, la Jacqueline, je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Donc, la Jacqueline, c'est quoi ? C'est 3 quarts de vin blanc, qu'importe, on peut même prendre quelque chose à 2 euros, avec un petit peu de limonade, un petit peu de grenadine. D'accord. Et en soirée, c'est juste le basique quand on va dans le sud-ouest. D'accord. Alors, pour tous les soirées, pour tous les âges ou c'est... Pour tout le monde. Non, mais c'est vrai, parce que t'as des cocktails que, genre, typiquement le vodka coca, tu le bois pas partout. En fait, c'est un petit peu le planteur du sud-ouest. D'accord. Si on veut être simple. La Jacqueline. Et c'est Jackie qui nous présente ça. Voilà. C'est pas mal. Jackie et la Jacqueline. C'est notre, ouais. Donc la Jacqueline et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour, une grande histoire de descente surtout. Bah après, il y a le Blanc Casse Bourguignon aussi, ça me fait penser. Et c'est le chanoine Kir qui a créé le Blanc Cassis pour pouvoir mettre en avant la crème de cassis bourguignonne. Donc c'est du vin blanc avec du cassis. Je sais pas si tu connaissais. Bien sûr. Et t'as voyagé aux États-Unis ? T'as voyagé aux États-Unis ? J'ai de la famille aux États-Unis. J'ai un oncle qui habite là-bas, qui est d'ailleurs qui travaille dans le vin. C'est une longue histoire. Il est parti de rien. C'est vraiment un des derniers exemples qu'on peut avoir de succès à l'américaine à partir de la fin des années 80. Et donc, t'as voyagé là-bas ? J'y vais assez régulièrement. J'y vais à peu près tous les deux ans. Il habite près de San Francisco. Et à ce moment-là. On profite, en fait. T'aimes bien la vie là-bas ? Ça dépend quel endroit, en fait. Dans les campagnes, la vie a rien à voir là-bas par rapport à San Francisco, par exemple. San Francisco, c'est une ville qui est relativement festive, notamment pour les personnes LGBT. C'est vraiment une ville extraordinaire. On peut faire plein de belles rencontres, comme beaucoup de métropoles, mais particulièrement San Francisco, c'est assez particulier, puisque tout est orienté là-bas. Enfin, beaucoup de choses sont orientées là-bas pour les personnes LGBT et la municipalité fait énormément d'efforts pour ça. Ce que je trouve génial. Alors que dans les campagnes, au contraire, dès qu'on voit quelqu'un sur les passages piétons, ce sera forcément un Français. Les rednecks, donc les campagnards là-bas sur les pick-up, vont commencer à nous insulter, à faire des bruits de grenouilles, à commencer à nous dire les frogs, etc., etc. C'est vraiment pas du tout la même ambiance, c'est ça qui est à 50 km près. Oui, carrément, je me rendais pas compte que c'était aussi hostile. Bah, et c'est tous ces gens-là, je veux pas faire de politique, mais ce sont tous ces gens-là qui ont voté pour Donald Trump pour la dernière élection. Oui. Donc le cliché du redneck est solide, quoi. Et vraiment, tout simplement. Et même vraiment. À 50 km près, on ne trouve pas du tout le même accent. C'est l'accent campagnard là-bas, c'est vraiment un accent très. Image la mot. Wow. Par exemple, Smo, c'est. En ville, va se transformer en Smoody. Dans la campagne. Et donc, tu nous parlais aussi, tu nous disais que tu écoutais de Liga. Et donc, on voulait aborder aussi tes goûts musicaux. Donc, t'écoutes quoi plutôt quand j'ai envie donc, déjà un peu de dance, déjà dance classique. Absolument de tout. Enfin, je suis assez, assez pluriel sur mes goûts musicaux. J'aime bien des trucs. Hein. J'aime bien des trucs un peu anciens, des années 70, 80, puisque ça met toujours l'ambiance. Et puis même quand on est seul pour voyager, c'est toujours là pour nous accompagner, qu'on soit seul, qu'on soit avec des amis, etc. Vraiment de la pop, tout simplement. Pop, alternative, électro, dance. Enfin, j'écoute énormément de musique. Mon répertoire de musique est vraiment extrêmement dense en genre et en tout. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le mettre un petit générique musical qui fait le jeu qu'on a l'habitude de faire, Renan? Vas-y. Je trouve. Non, on a de plus en plus sec en ce qui concerne cette rubrique. Tu penses? Pour l'introduire cette rubrique. Bah, on arrêtera de la faire. Non, elle est bien en fait, mais ouais. Tu l'as déjà en tête, j'ai entendu juste. Je mets de la musique. Le début, c'est. Excite-moi voilà. Un peu avant le truc. Alors ça, c'est Hippocampe Fou. Si j'étais. Si j'étais un fruit, je serais un citron. Si j'étais un bêcher, je serais mignon. Si j'étais une île, je serais l'Atlantide. Si j'étais un film, je serais de Lars von Trier. Si j'étais un cri, je serais silencieux. Si j'étais un animal, je serais paresseux. Alors Jackie, c'est la section où tu vas nous dire ce que tu serais si tu étais une danse. Une danse, ce serait plutôt de la salsa. Tout simplement parce que je m'attache énormément au pays latin et que je connais des gens là-bas et que ce sont juste des gens extraordinaires. Okay. Et que sans jamais être allé dans les pays latins, latino-américains, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, des touristes, la plupart du temps sur des coups de chance. Donc que ce soit en soirée ou que ce soit simplement des gens paumés dans le métro qui me demandent de l'aide parce que j'ai l'air jovial en fait, alors que je suis complètement bourré au fond de ma tête. C'était du vin justement. Enfin, tu penses, t'as quelle qualité, si t'étais un vin, tu serais quoi ? Si j'étais un vin, franchement, je serais un sauterne. Ah ouais. Parce que je me considère comme assez différent de beaucoup de gens. Un sauterne, c'est quoi exactement ? En fait, un sauterne, c'est un blanc qui est produit à proximité de Bordeaux, enfin plus précisément à côté de Langon. Mm-hmm. Donc Langon, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Et il est une mode de fabrication et de vinification assez particulier pour ceux qui font de la biologie, des humicètes, enfin en gros des champignons, des bactéries, interviennent dans la fermentation de ce vin, ce qui lui donne un goût assez particulier. Et plutôt sucré. C'était le vin préféré, enfin c'est le vin préféré toujours, de Jacques Chirac quand même. De Jacques Chirac, bien sûr, même si... De Jackie, évidemment, tout. En parlant de Jacques Chirac, même si c'est quelqu'un que j'approuve ou dont j'approuve pas beaucoup d'idées, enfin certaines quand même, la fin du service militaire par exemple, ça reste quand même quelqu'un qui reste assez admiratif au niveau de son charisme et au niveau de sa classe. Ouais, c'est sûr. Donc ça peut donner un petit côté quand même... Il danse dans le studio, faut décrire. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, notre invité mystère, c'est très moussé à... N'est-ce pas, exercer une sorte de mouvement alternatif avec ses bras, très impressionnant. Très alternatif. Tu voulais ajouter quelque chose sur Jacques Chirac, non ? Non, c'est sur le service militaire, j'allais dire, attends un petit peu, ça va revenir. Ouais. On en parle beaucoup en ce moment. Petite rubrique politique. Personnellement, le service militaire, c'est toujours quelque chose de très bien, surtout s'il y a des besoins dans l'armée, mais... L'obligatoire, peut-être que... Il faut pas, voilà, ça va un petit peu trop loin de le faire obligatoire, puisqu'il y a des gens qui sont pas forcément aptes psychologiquement à le faire. Ouais, ou simplement des personnes qui se sentiront, certaines personnes issues de certaines minorités, qui se sentiront parfois brimées, aux plus grandes dames de leur morale en fait. Mais à la fois ça améliore le mélange social, ça oblige un petit peu à tout le monde à se mélanger sur un pied d'égalité. Tout à fait, mais au lieu d'un service militaire qui va sur le terrain, pourquoi pas faire tout simplement, bah, comme ils font par exemple dans les écoles d'ingénieurs, des stages ouvriers pour permettre à certaines personnes de se mélanger avec d'autres, ce qui fait un brassage social qui à la fin est formidable. Écoutez, on envoie l'idée tout de suite à l'Elysée. À EM, on va voir ce à EM. Alors, Macron, si tu nous entends, on a un message à faire passer. Mais Gomixité pour le... Le roi Macron. Gomixité pour le service militaire, s'il vous plaît. Réagissez sur les réseaux sociaux avec hashtag Gomixité. Ouais. Gomixité. Bah ouais. Attends, ouais. On se traîne dans la boue, les filles aussi elles font, hein, les meufs aussi elles font avec nous, hein, parce qu'on est derrière. Hein. Ouais, à Israël, tu le fais avec les femmes. Mais elles ont un service militaire un peu plus court, il me semble, que les hommes. C'est pas exactement le même temps, mais elles ont aussi un service militaire obligatoire. Non, mais qu'elles le font ensemble. Parce que quand je dis vieille mixité, c'est dans les mêmes baraquements. Pas même baraquement, c'est dans les mêmes. Ils sont dans des chambres séparées, quoi. Ouais, bon, ça, ok. Ce qui est normal. Mais elles ont un service militaire un peu plus court. Est-ce que tu as une question à poser à Jackie, Alexandre? Toujours dans Si t'étais quelque chose. Si t'étais, par exemple. Ouais, ou... c'est... Ouais, ouais. Si t'étais une émotion. Ah, bien ça. Je pense que je serais la folie, puisque la folie représente à peu près tout, à peu près toutes les qualités et les mots que peuvent avoir l'homme et la femme. Enfin, l'être humain, en général. Comment tu définis la folie pour... Qu'est-ce que c'est, la folie, pour toi? La folie, c'est un sentiment qui peut être défini en excès et... sans parfois devenir dangereux, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont totalement folles, mais qui poseront aucun problème à d'autres. Juste des gens qui veulent vivre comme ils le souhaitent et sans aucune retenue. D'accord, c'est ne pas contenir, retenir, ne pas imposer de limites à ses sentiments. Tout à fait. C'est pas la folie au sens clinique. Non. Parce que ça, c'est... au sens grec, en fait. Non, la folie au sens clinique, on l'envoie à Cadillac, à nous. Cadillac? Cadillac, c'est un hôpital c'est un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France qui se trouve à proximité. Enfin, historiquement, c'est un asile qui est devenu un hôpital psychiatrique qui se trouve à proximité de Bordeaux. D'accord. Donc, c'est la référence. Oui. Et à Dijon, on a la même chose, en appelant ça la chartreuse. Mmh. Et comme petite anecdote, on m'a toujours dit, chaque fois que je me ramenais, que j'étais un petit peu foufou, quoi, ils m'ont toujours dit tu continues comme ça, tu vas finir à Cadillac. Donc bon. Tu vas finir en Cadillac, ouais, si tu continues. Ah bah tant mieux. Je te propose une musique. Tu m'as dit que t'aimais bien peut-être les musiques un peu de danse, un peu old school. Tout me dis si ça te plaît juste après cette pause musicale. Tiens, balance la sauce. Hop. Some of them want to get used by you. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous sommes toujours sur Radio Campus Orsay, ou vous arrivez sur Radio Campus Orsay si vous nous rejoignez. Nous sommes en bonne compagnie puisque nous sommes avec Alex. Salut. Ouais, salut. Avec Mathias. Salut. Avec Martin. Et coucou. Toujours notre invité mystère. Bonsoir. Toujours aussi mystérieux. Qui est de plus en plus mystérieux. Mais de plus en plus mystérieux, c'est vrai. Qui n'aime pas beaucoup la guerre, qui aime beaucoup la fête, qui aime beaucoup la classe. Et le vin. Tout à fait. J'aime beaucoup l'amour puisque la vie est faite d'amour et de paix aussi. Mais j'osais pas trop aborder parce que on n'avait pas encore abordé ce point et des fois on peut aimer la fête sans aimer l'amour, mais puisque tu le dis c'est encore mieux. Donc tu aimes l'amour. Et si t'étais un poème, tu serais lequel? Si j'étais un poème, j'ai pas trop de poèmes en tête. C'était une chanson alors. Chanson d'amour. Ah, si c'était une chanson d'amour, c'est une bonne question. C'est très précis, mais je pense que ça peut. C'est relativement précis, mais il y en a tellement des chansons d'amour. Que j'en sorte une. Alors là, notre invité bizarre dégaine le téléphone, c'est fini là. C'est la première qui va me sortir de la tête, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Et il y en a beaucoup, hein, française, anglaise, ça dépend. Je pense que moi j'aurais. Congolaise. Congolaise, magnifique. Le dimanche à Bamako. Pardon. Ah, quel suspense. Nous saluons aussi les invités sur le canapé. En fait, j'ai pas tellement d'idées pour le moment musicalement. Musicalement, mon cerveau il est complètement paf. Tu es perturbé là. Après cette musique, après Sweet Dreams. Ouais. Après Sweet Dreams, et donc, il a été perdu. Il est perdu. Je sais pas. Musicalement, son cerveau n'est pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous faire deviner ton prénom? Parce que Jackie, c'est ton surnom pour cette émission. C'est ton surnom d'invité mystère. Est-ce que tu pourrais nous faire deviner ton prénom? Ça parle de géologie. Ça parle de géologie. Pour Pierre. Pour ceux qui nous écoutent et qui étudient la géologie, qui peut-être adhèrent à la GUPS, qui est l'association des géologues de Paris Sud, qui est dans le bâtiment 336, ça parle de géologie. Moi, Pierre. J'ai une idée. Un des éléments les plus simples que constitue la géologie. On étudie quoi en géologie? Bah, Pierre. Tout Allez, à fait. Oui. T'as dit quoi toi? Mais il a dit Pierre, dès le début il a dit Pierre. J'allais dire Mika moi. T'allais dire Mika? Pourquoi Mika? Ah trop cool. Mika c'est un. Bah oui, c'est un cristal. Gneiss, quand, un cristal. Tant qu'on y est. Du gneiss, du gabbro, du granit, il y en a tellement. Guap et son fils granit, Mathias. Notre fils on l'appellera granit. Okay. D'accord, notre granit. Fils s'appellera granit. Ouais. Granit RCO. Ouais. Ouais. Granit RCO. Ouais. Granit RCO. Ah c'est pas mal ça. Go. Chaud. Mais alors, ça t'a plu, ta petite découverte d'invité mystère? C'était l'occasion de découvrir les locaux et... Énormément, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À tes souhaits. et comme beaucoup de choses, je vais vous dire, je reviendrai. Tu reviendras, et si tu as une idée dans tes connaissances pour un invité mystère particulier, ce sera avec plaisir. J'en ai une excellente déjà en tête. Ah, Dimitri est encore dans le studio. Et combien de semaines d'affinité t'es là, Dimitri? Tu les enchaînes, là, les émissions? Ouais, il est chaud. Il est chaud. Ben merci beaucoup Pierre. Bah bien au merci plaisir. Pierre. On se verra bientôt. Je vous fais des gros bisous sur vos fronts et sur vos fesses droites. Donc je vous aime. Et tu ne mens pas à ta personnalité puisque là tu cours pour te préparer pour un before pour sortir après. Tout à fait. Et il nous a pas menti. C'est bien ça Pierre. Pierre c'est faire une émission et hop on court pour aller faire la fête. Tout à fait. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu le temps puis me préparer là. J'ai une semaine de vacances qui m'attend dans un patelin complètement paumé. Donc j'ai le temps de se déconnecter. Tout à fait. Là. Tout n'est pas tout à fait prêt, mais là, en gros, là de maintenant jusqu'à au moins 5h du mat, là, je suis debout. Ok, bon. On t'enverra un SMS vers 4h. On vérifiera. On vérifiera. Parce que stopper le malin, là. Bon, merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci, au plaisir à toi. Au revoir. Au plaisir à vous tous. Énorme salut, bisous. Pierre. Moi, pour pouvoir faire une petite pause, je voudrais vraiment vous présenter une chronique. Oh. Alors, la chronique prénom. Salut Pierre. La chronique prénom. La chronique prénom, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un prénom particulier. J'ai pas choisi au hasard. Hein. C'est un peu pour un baptême que j'ai choisi. Ah. Alors, la musique qui va avec, c'est celle-ci. Parce que à chaque musique. À chaque chronique prénom, il y a une musique. Et j'ai choisi le prénom qui est un mélange de Alexein et Andros. Donc, Alexandros. Ah bah. Ah bah. Alors, Alexein, ça veut dire protégé. Je peux deviner. Oui. Andros, c'est homme, non? Oui, Andros, c'est homme. Et Alexein c'est protégé. c'est protégé. Tu savais? Je savais pas du tout. Alors, donc, juste une question. Andros, c'est homme dans le sens humain ou homme dans le sens masculin? C'est homme dans le sens masculin parce que c'est gyn... Femme, c'est... oui, c'est androgyne. Comme androgyne. Andro... Anthropos, homme dans le sens. Ouais, non mais, c'est, non, mais je pose la question, mais c'est pour que les gens puissent, puissent comprendre aussi. Petite indication de développement étymologique, évidemment. Donc voilà, j'aimerais présenter Alexandre, parce que Alexandre est content, il vient découvrir la radio comme ça vaguement, mais j'avais envie de choisir ce prénom. Bah écoute, merci. Je viens de découvrir la radio, en effet. En fait, j'avais visité un petit peu la radio déjà il y a 3 ans, donc quand je suis arrivé, qui n'était pas la même radio, qui s'appelait Micro 11. Absolument. Qui était un petit peu au repos. Un tantinet, oui. Ouais, un tantinet au repos. Et bah du coup, je suis content de savoir que ça reprend du service. Et ce sera avec plaisir qu'on te retrouve là pour moult émissions différentes. Alors, il y a plusieurs saints. Alexandre, il y a Alexandre Lassemet qui est grec et vivait au 4e siècle. Alors il a fait un service militaire, il est né sur la mer Égée en Grèce. Et sur ensuite. Sur la mer Égée. Sur la mer Égée, absolument. Et. Tu t'excites? Oui, je m'excite, mais ça n'a rien fait pour les auditeurs. Il vient de nous exploser les oreilles en augmentant le volume des casques. Voilà, parce que je jouais avec le, ouais, avec le potard. Tu avec le potard pour pouvoir m'amuser. C'est ça. Voilà, Alexein Andros, qui protège les hommes, a ensuite décidé de créer un monastère. Et donc, c'est un des premiers, on va dire, Alexandre chrétien. Parce qu'en général, dans l'anecdote prénom, on a des références chrétiennes pour les saints patrons. Clairement. Ouais. Les bonnes références chrétiennes. Au mieux catholiques. Parce que voilà, nous, on est du côté de la vraie foi, tu vois. C'est vrai. On le met tout de suite au bûcher, voilà. Ou ça se passe comment? Il bon, y a 2 semaines, c'était la blague sur les juifs. Ensuite, il fait la blague. Non, c'est pas grave, faut pas se vexer, faut pas prendre ça au pied de la lettre. On rebondit voilà, sur la chronique avant que la musique Alexandrie et Alexandra de Claude François se termine. Ah, j'avais même pas reconnu. Ben voilà, c'était pour ça. La Saint-Alexandre, c'est le 22 avril. Je sais pas si on te l'a déjà fêté. Déjà, ouais, mais j'oublie tout le temps. Alors moi j'aime bien regarder les trucs stupides sur les Alexandres, il y a souvent des caractères des Alexandres sur les sites pour donner un prénom. Ouais, alors Alexandre il est jovial, il se fâche rarement et c'est quelqu'un de pacifique. Ah ouais, comme Alexandre le Grand quoi. Comme Alexandre le Grand, absolument. Pacifique comme Alexandre le Grand. Bah écoute, en fait c'est je pense que c'est le genre de choses où tout le monde peut se reconnaître un petit peu. c'est le but de ce genre de choses, hein. c'est un petit peu l'horoscope on va dire. Donc voilà, Alexen Andros. Donc ce sera principalement de l'étymologie. Allez, juste après cette musique. Non, on s'amuse beaucoup sur cette. On vous fera une soirée spéciale étymologie. Vous allez des aller. Prénoms. Ouais. Je vous laisse sur la fin de Alexandrie Alexandra et juste après, on va retrouver nos invités pour la suite de l'émission. On se retrouve sur Radio Campus Orsay et on vient d'accueillir Félix. Oh, excuse-moi, vas-y. Enchanté. Enchanté, t'as fait un bon trajet, RERB. J'ai fait un trajet très froid, très, très glacial et on a croisé un ragondin. Voilà. D'accord, un ragondin. Est-ce qu'il était beau? C'est pas très beau un ragondin. Et puis il se lissait le poil avec beaucoup de vélocité. Bon allez, on est obligé de dire Dimitri parce que sinon il se vexe et il fait du bruit avec son 7-Up, sans citer de marque. T'es content d'être là Dimitri? Toujours. Toujours. Je m'entends pas parler là, c'est normal ou pas? Ouais, nous on t'entend. C'est juste que... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On sait que t'as souvent, là, t'aimes bien t'écouter parler, mais bon, là, ça va, tu vas pas pouvoir le faire. En vrai, j'aime pas ma voix en plus. Alors, il monte de d'inviter à ensuite, comment dire, présentateur de son association, non ? Bof. Et ensuite, il vient en tant qu'association. Et ensuite, non, mais je savais pas si c'était le bon terme. Et ensuite, il arrive en tant que présentateur maintenant. Ça va ? Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois ? Ça va. La prochaine fois, je vais conquérir le monde. Conquérir le monde. Conquérir le monde. Pareil, Félix. C'est un beau projet. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Félix ? Alors, du sale. Alors, essaye de lever un peu le micro. Ouais. Tu parles pas dans le micro, voilà. Aussi. Voilà. Parfait. Voilà. Parle bien. Alors aujourd'hui, je peux vous parler de beaucoup de choses et notamment de mon engagement associatif. Non, bon, la si. Petite, non, il est. Ah oui, le petit cliquet marche pas. Oui, le petit cliquet ne marche pas, ce n'est pas grave. Et donc voilà, l'association, je peux vous parler de mon travail en tant que président d'une association dans le nord de la France. Qui s'occupe entre autres d'économie sociale et solidaire, par exemple. D'accord. Est-ce que c'est une association étudiante ? Oui, c'est une association donc, qui regroupe des étudiants d'une école de commerce, donc l'EDEC, à Roubaix. À Roubaix, d'accord. Et en quoi ça consiste, du coup, l'économie sociale et solidaire ? Alors, l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle souvent ESS. Merci Dimitri. Je connais le sujet aussi, t'inquiète. Ah ouais, tu connais ? Tu nous parleras de microcrédit, tout ça, plus tard. Très ouais, bien. Une prochaine fois, ouais. Super. Et c'est promouvoir donc, une nouvelle forme d'économie qui se fixe un but qui peut être environnemental ou social. Et en utilisant donc, l'économie, non pas donc, la forme de l'entreprise, par exemple, donc rechercher du profit, non pas comme une fin, mais comme un moyen de résoudre des problématiques très diverses, la pollution des eaux, l'intégration des réfugiés, la question des sans-domicile fixe. Toutes ces questions peuvent être résolues en partie par des initiatives économiques. D'accord. Alors, c'est un peu comme une entreprise qui a pour seul but de créer du profit pour le réinvestir dans quelque chose de social. Ça peut être vu comme ça, et c'est en fait, ça regroupe plein d'initiatives différentes dans leur forme. Et ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est vraiment la finalité, à quoi sert l'entreprise, pourquoi elle existe en fait. Donc, elle est créée dès le départ pour une cause ? C'est ça. D'accord. Et c'est, on va dire, un peu le modèle phare donc, une entreprise sociale. C'est l'entreprise qui a été créée pour cela. Et sinon, on peut parler, pour les entreprises qui existent déjà, de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, qui est, on va dire, un sujet parallèle. Et donc, comment intégrer les parties prenantes de son entreprise dans sa stratégie. D'accord. Mais attends, j'ai une question pour toi, Félix. Oui, Dimitri. Est-ce que... Tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, dans le monde, chaque entreprise doit se sentir responsable ? Ah bah. Si, absolument. Sur le plan, donc du coup, chaque entreprise a du RSI en soi. Et effectivement, la RSE est une approche qu'on peut adapter à chaque entreprise. Et personnellement, je pense que chaque entreprise devrait revoir donc, ses relations avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son environnement pour justement voir quel impact cette entreprise a sur donc, ses différentes parties prenantes et voir comment elle peut faire pour satisfaire toutes ses parties prenantes. J'ai mal à saisir plusieurs choses. Déjà, tu parles d'une association, puis maintenant tu parles d'une entreprise. C'est quoi là ? C'est juste parce que après j'ai des questions à poser sur ça. En vrai, ça m'intéresse beaucoup parce que ton association, c'est une association. C'est ça. Ok. Parce que sinon, si t'es une entreprise, elle devrait respecter la concurrence. Mais c'est difficile de respecter la concurrence si en plus tu dois faire du social à côté. Oui. Alors, déjà pour clarifier, donc moi je fais partie d'une association qui promeut en fait cette forme d'économie. Ok. Donc on est des acteurs, on va dire, de l'ESS, mais en tant que promoteur. On n'est pas des personnes qui on va dire, résolvons une problématique environnementale ou sociale. D'accord. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, y a jusqu'à présent, on va dire qu'il y a peu d'entreprises qui s'attachaient à vraiment prendre en compte toutes les parties prenantes, puisque ça pouvait être un coût supplémentaire. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui, en fait, prennent ça comme un un avantage. Et donc, comme on va dire, comme on parle en école de commerce, avantage compétitif. Okay. Et, okay. Et donc, notamment pour l'image de marque. Et ce qui permet donc, c'est une des réponses justement au bas coût qui est fait à côté. C'est que nous, on fait peut-être un coût plus élevé, mais le consommateur en est conscient et il va acheter nos produits. D'accord. C'est une des approches. Super intéressant. Et vous, le but de votre association, c'est surtout de faire de la communication ou plutôt de faire de l'aide auprès des entreprises qui voudraient commencer pour leur dire comment ça marche? Alors, nous, donc, on est axé, donc on a deux axes, donc ils sont la promotion et on va dire le conseil. Mais vraiment la promotion donc par des événements qu'on organise à Lille, donc on cherche à toucher un public le public le plus grand possible. Et café social. Comment? Le café social. Oui, les social cafés, donc en sont un exemple, donc des rencontres mensuelles avec ce qu'on appelle donc des entrepreneurs sociaux. Donc c'est donc des personnes qui montent une entreprise sociale. Et je vais juste faire une petite digression. J'emploie le mot entreprise ou entreprise sociale, mais pas pas le terme juridique, ouais, ou quoi que ce soit. C'est, on pourrait le remplacer par initiative, mais ça peut avoir un statut d'association, un statut d'entreprise, d'ONG. Mmh. Enfin, ça peut être une coop, comme ça peut être... Ça peut être une coop, ça peut être une scope, une skip. Quels sont les différents types d'entreprises ou d'organisations qui adhèrent à ce concept. Voilà, qui adhèrent à ce concept. D'économie sociale. Est-ce qu'il y a différents types de... Par exemple, est-ce que différentes entreprises peuvent se placer sur une échelle en fonction de comment elle gère l'économie sociale et solidaire ou pas? Après, je pense que c'est assez subjectif de montrer ton engagement, je pense. Mais tu veux parler en termes de statut, Dimitri? Oui, c'est ça, en termes de statut. Quel statut qui répond le mieux, tu veux dire, au RSS? Non, je voulais dire... Je comprends pas ton notion d'échelle, en fait. Ben, en gros, est-ce qu'on peut différencier, par exemple, genre quelqu'un qui... En gros, ma question, c'est simple, en fait. Est-ce que... tout le ESS est pareil ou pas, tu vois? Alors c'est une bonne question, puisque ça met en lumière le fait que l'ESS c'est un monde extrêmement varié et donc très hétérogène, et donc pour moi c'est un peu mettre un nom sur une catégorie, mais les personnes à l'intérieur se catégorisent pas forcément dedans. Mmh. Et donc dans le sens où on se réclame pas forcément de l'ESS, mais si ça se trouve, on peut considérer d'autres personnes de l'extérieur peuvent dire « bah si, c'est de l'ESS ce que tu fais ». Donc c'est plus un mot pour mettre en lumière des personnes qui voient, on va dire, le business d'une autre manière et d'une manière plus responsable. Est-ce que tu peux nous donner, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on se fasse peut-être une meilleure idée de projet qui a été mis en œuvre ou de campagne, absolument, de communication qui a été faite? Donc, tu voudrais un exemple d'entreprise sociale, alors, par exemple? Ouais, un exemple de ce que vous faites. En fait, donc dans le cadre de mon association. Comment s'appelle ton association? Donc, ça s'appelle Develop EDEC. Pour finir, elle date de combien de temps et combien de personnes font partie de l'association? Develop EDEC a été créé il y a 10 ans et on a à peu près, on a officiellement 40 membres, mais donc qui sont répartis donc sur les campus de Lille, de Nice et à l'étranger. Donc on est 20 membres à Lille, donc on va dire que c'est le noyau dur. Et donc une des réalisations, donc c'est par exemple le 3 février dernier, on a organisé un Lille, un forum de l'entrepreneuriat social, où donc on a invité différents entrepreneurs sociaux à montrer leurs projets. Donc par exemple, ça pouvait être il y avait donc différents projets comme le Carillon, notamment. C'est une association qui s'occupe de l'aide aux personnes sans domicile fixe. Donc par exemple, ils ont mis en place un système d'autocollants qu'on peut mettre sur la vitrine de café, mettant ici les personnes peuvent se doucher, ou ici une personne peut prendre un café suspendu, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Donc voilà, inviter des entrepreneurs pour qu'ils parlent de leur activité. Et il y avait également aussi des conférences, et notamment on a donc le Christophe Ittier, donc qui est actuellement haut commissaire à l'ESS, donc c'est un peu le ministre de l'ESS sous Macron actuellement, donc qui est venu pour clôturer. Et donc on a eu aussi un débat donc autour de notamment Est-ce qu'une entreprise sociale est condamnée à rester à une échelle locale ou pas? Ou est-ce qu'on peut avoir des initiatives d'envergure? Donc ça, c'est une des choses, par exemple, qu'on fait avec notre asso. Moi, j'aurais quelques questions à te poser après juste cette pause musicale. Et voilà, on se retrouve pour Développe SS. EDEC. EDEC, pardon. Voilà, c'est ça. À très vite. My people, dark brown shade of my skin. Only hard color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back, holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Mama, she works so hard to earn every penny. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Stealing his first piece of candy, got caught. Wandering around life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, I wanna know, yeah. Something is holding me back. People, is it because I'm black? Tell me, can't you see? Somebody, please tell me, is it because I'm black? Is it because of my color? Bonsoir à tous, nous sommes encore et toujours sur Radio Campus Orsay avec Félix Tullier qui est là pour nous parler de son association Développe EDEC avec Dimitri, toujours là pour le feu. Like saying on foutre le feu. Pour foutre le feu. Hein. Exactement, on foutre le feu. On va foutre le feu. Toujours. Même sans feu. Je fous le feu. Avec Alex et avec Mathias. Alex saying Dandros, j'ai envie de dire. Ah oui. Ouais. Qui est né sur la mer Égée. Protège les hommes, c'est ça? Protège les hommes. Ouais, je vais vous protéger ce soir. Bon, on est assez chanceux d'avoir Félix. Et ben, c'est nous qui avons de la chance d'être venus ici, d'être reçus sur ce plateau ce soir. Donc je rappelle rapidement, pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission, Développe EDEC, qui est donc EDEC. EDEC, pardon, j'ai du mal avec les mots. EDEP. Qui est une association étudiante qui est à but, alors c'était ça la question, lucrative, qui est à but non lucratif. Non, voilà, à but non lucratif. Nous, on est donc dans la promotion et de toute façon, il faut... un statut particulier pour gagner de l'argent. Donc bien sûr, on a des missions pour récolter de l'argent, mais on ne fait, on va dire, aucun bénéfice et il reste dans la trésorerie de l'association. Donc oui, ça but non lucratif. Donc vous, du coup, t'es une ONG en fait, quasiment. Bah, je connais pas le statut juridique d'une ONG, mais je suis une association. Enfin, on est une association de loi 1901 à but non lucratif. C'est comme ça que. Okay. Voilà. Et donc l'autre question aussi que je t'avais posée pendant la pause musicale, c'est est-ce que vous faites du consulting à certaines entreprises pour voir leur donner des conseils pour se développer, pour développer une économie sociale? Ouais. Alors donc. Effectivement, pour l'instant, on conseille donc ce qu'on appelle une institution de microfinance au Togo. Donc c'est comme une banque, mais qui fait donc des prêts beaucoup plus petits. Donc là, par exemple, chez notre partenaire, ça peut être des prêts qui vont de 20 à 100 euros en équivalent, donc en pouvoir d'achat au Togo, c'est donc très différent. Et donc nous, en fait, on se rend sur place pour donc analyser un petit peu leur... on va dire comment ils agissent avec leurs clients, est-ce qu'ils respectent leurs clients, est-ce qu'ils respectent leurs employés, est-ce que la lucrativité de leur business est limitée ou pas, et après donc avoir analysé tout ça, et ben on leur prodigue des recommandations pour on va dire être plus adapté, on va dire, ou plus en accord avec des standards qui ont été établis par des personnes qui travaillent déjà dans la microfinance, et donc pour en gros appliquer des bonnes pratiques qui ont été mises en place, qui ont été considérées comme bonnes, et pour les guider un peu vers ça. Voilà. C'est quoi ce nom de cette institution? Donc ça s'appelle IADES Togo, et donc c'est une institution de microfinance qu'on raccourcit souvent comme IMF, et donc c'est IMF, c'est le nom donc qu'on donne aux banques qui font de la microfinance, donc qui prêtent des prêts de petite taille. Institution de microfinance. C'est ça. Et moi, je me posais une question, c'était sur... bon, c'est peut-être un petit peu technique, mais... en gros, quand tu as donné l'exemple de IADES, je me dis que dans ce pays-là, le microfinance... En gros, l'entreprise occupe une place qui n'est pas occupée en partie par les personnes publiques. Oui, absolument. Et donc, je trouve ça intéressant comme question, c'est... parce que je pense que vous devez beaucoup vous préoccuper de ça pour conseiller les entreprises, c'est comment est-ce qu'elles doivent déjà occuper une place qui normalement doit être occupée par l'État ou par la personne publique, et... comment doivent parfois se confronter aussi aux personnes publiques, parce que des fois en fait, je pose peut-être ça dans le vent, c'est peut-être pas du tout vrai, mais quelquefois je pense qu'il y a des entreprises à but économique et social qui doivent exercer une activité qui déplaît à l'État. Par exemple, tu citais l'aide aux réfugiés, je pense qu'il y a beaucoup d'États qui doivent peut-être émettre des barrières sur des activités comme ça. Est-ce que ça arrive? Alors nous, on a... pas particulièrement d'expérience avec ça. Ce qui pourrait se rapprocher, c'est que par exemple... Donc au Togo, donc cette institution partenaire, donc IADES, elle aurait besoin, en fait, pour connaître un petit peu, on va dire, la solvabilité de ses clients, qu'il y ait ce qu'on appelle une centrale des risques qui soit mise en place, donc en gros une espèce de banque d'informations pour savoir si la personne a déjà pris un prêt dans une autre microbanque et si elle l'a remboursé. Et donc ça, en général, c'est plutôt l'État donc, qui s'occupe de mettre en place ce genre de choses. Mais on va dire que le Togo, Togo n'est pas un État comme en France, donc, enfin, comment dire, Providence. Pas aussi solide. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, où là, il y a encore... des aspects donc qui sont défaillants, notamment en termes de centrale de risque, il n'y a pas de partage d'informations et donc là effectivement il y a des initiatives privées mais donc qui sont en concurrence avec un non-État en fait. Voilà. Donc je pense que c'est surtout que au Togo, plus qu'être en concurrence avec l'État, elle remplace un État qui est absent en fait. Ça se passe bien en fait, ça se passe plutôt bien finalement en pratique. Alors ça se passe bien puisque donc il y a effectivement IADES arrive à prêter de l'argent à des Togolais donc qui remboursent et qui donc arrivent à développer leur activité. Mais après, enfin en ce moment, il y a donc beaucoup de révoltes au Togo, donc on peut pas dire que la gestion de l'État togolais se passe bien. Ouais. Mais moi, je voulais y aller là cet été. Ça part, go révolte. Ben, on verra comment c'est cet été, mais nous déjà il y a eu Nuit debout. République, je connais. Dis-moi, on va au Togo, ouais. On renverse l'État et on le remplace par une grosse entreprise, voilà. À but économique et social. Moi, je suis chaud. Ça s'appellera Dima Finkel. Non, mais non. Ça s'appellera la Togo. Ça s'appellera Évêque. L'Imperial Togo Compagnie, en fait, je pense. Comme ça. Okay. C'est moche, quand même. C'est mon idée. Bref, non, je suis taquin. Je suis taquin. Mais non, je me dis, en France aussi, ça doit pas être évident pour une entreprise à but économique et social de s'intégrer dans un État où. Enfin, dans un pays où l'État est si fort et essaye de, enfin, est très interventionniste justement sur le plan social et qui, ouais, va être en concurrence avec elle très vite. Bah justement, donc un des buts, c'est d'être complémentaire avec ce que propose l'État, et donc souvent ça, c'est apporter des réponses que l'État n'est pas en mesure d'apporter, et donc notamment donc le Carillon, donc je vous ai parlé donc de cette association donc qui s'occupe d'apporter de l'aide au SDF. Et donc notamment, enfin, je le vois dans ma vie de tous les jours, à Lille, il y a énormément de personnes à la rue, il y a 1000 personnes à la rue à peu près à Lille. Et donc c'est là où on voit où les pouvoirs publics ont peu d'action, et donc tout ce qui est entrepreneuriat social et prend le relais en fait d'un État qui est parfois absent. Ok, pardon. Moi j'ai une petite question qui est peut-être un peu plus large. Parce qu'il y a un petit débat qui s'est lancé, un petit début de débat qui s'est lancé pendant la musique, que je pourrais résumer comme ça. Est-ce qu'il faut que l'entreprise soit forcément désintéressée et ait des ambitions vraiment sociales, ou est-ce que l'économie sociale et solidaire, ça peut s'intégrer dans une logique, ça peut et ça doit s'intégrer dans une logique de profit? Alors, moi j'aborderais ça sous l'angle donc de qu'est-ce que, en général, on a des critères en fait pour déterminer si une initiative est de l'entrepreneuriat social ou non. Donc je vous avais parlé donc du fait qu'il faut qu'il y ait un but environnemental ou social, mais il y a également d'autres critères, et notamment une lucrativité encadrée. Donc il faut que l'entreprise donc soit rentable. Donc il y a la recherche d'un profit, c'est indéniable puisque c'est la survie de l'entreprise. Mais bien sûr, on parle donc de lucrativité limitée, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de profits qui soient faits. Et il y a également d'autres critères, notamment une gestion relativement horizontale ou démocratique, en tout cas de l'entreprise, pour éviter des rapports de force trop importants au sein de l'entreprise. Donc tout ça permet de qualifier une entreprise justement de sociale. Et donc justement d'éviter un peu les excès. Est-ce que, de trop chercher à, comment dire, avoir le mal partout, ce genre de choses. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi est-ce que d'après ces, en voyant ces critères, je vois pourquoi est-ce que la question de l'échelle des entreprises, un but économique et social se pose, parce que forcément, si déjà il y a une organisation horizontale, ça va avoir une vocation à rester locale plutôt. Ça va être difficile de le porter au niveau national. Ouais, alors ça, donc ce qui est à l'issue de notre débat, donc sur justement est-ce que l'ESS est-elle condamnée à rester à l'échelle locale ou pas. Il en est. Non. Donc, moi j'ai dit oui. Quoi, qu'est-ce j'ai dit. Bah parce que finalement, si on prend l'ESS comme vous l'avez défini, concrètement par exemple les ONG. S'insère dans cette ESS. Pourtant, il y a plein d'ONG qui, donc, du coup, font du profit social, mais qui sont au niveau international. Il y a plein d'ONG qui font pas de profit. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles avaient une taille importante. Une taille internationale. Il y a des ONG à taille internationale. Donc, la question, est-ce que c'est voué à être resté local? Elles sont très rares, les ONG, qui ont un but économique. Enfin, qui ont un but de production, on va dire. En tendance, c'est pas. Et donc, aussi, Dimitri, je pense que. C'est une différence aussi qui est un peu difficile à faire, mais nous, à Develop, en tout cas, on s'attache à dire qu'on n'est pas dans de l'humanitaire, mais donc dans l'entrepreneuriat social. Mm-hmm. Et donc, effectivement, il y a des grandes ONG, donc je ne sais pas, comme Oxfam, Médecins du Monde, ce genre de choses. Même s'ils proposent des programmes de développement, c'est surtout de l'humanitaire, et donc c'est du curatif. Donc c'est... On peut considérer que c'est autre chose que de l'ESS, c'est de l'humanitaire, c'est pas de l'ESS, on pourrait l'opposer. Mais effectivement, tu soulignes un point qui est vrai. Il y a des initiatives économiques de l'ESS qui ont une grande taille. Donc il y a donc le réseau donc Vitamine T notamment qui emploie plus de donc 2000 personnes donc à en fait réparer donc des produits d'électroménager, donc ça peut être réparer des machines à laver, réparer donc tous ces genres là et donc c'est résolument de l'ESS puisque c'est donc en plus employer donc des personnes en réinsertion et en plus un but environnemental puisque c'est éviter que des objets soient jetés et de la ressourcerie quoi. Voilà, c'est ça. Mais donc là c'est à une grande échelle puisqu'ils ont donc des filiales un peu partout en France. Mais après, en ce qui est de la gestion justement horizontale, je pense que forcément, avec la taille, on perd en horizontalité, on va dire. Mais après, là, je ne m'y connais pas encore assez sur le sujet. Notamment, il y a des entreprises anarchistes, entre guillemets, qui, en tout cas, moins anarchistes, mais plutôt en autogestion, qui permettent justement de conserver cette horizontalité. Et là, je fais référence à, par exemple, je crois que ça s'appelle le Tomato Star ou un truc comme ça. Enfin, en gros, un des géants de la production de concentrés de tomates, qui est en fait un premier ou deuxième mondial, qui fonctionne complètement en autogestion. Donc, c'est les employés qui disent il faudrait peut-être investir dans des nouvelles machines à ce moment-là, etc. Donc, mais pour le coup, c'est pas du tout de l'ESS ce qu'ils font, mais il y a des moyens donc un peu partout de faire de l'autogestion, quoi. Moi, j'aurais juste une question après à te poser sur les dérives, si on ne peut pas utiliser un peu cet aspect économique et social pour pouvoir faire du marketing. Mais on y reviendra, parce que je pense que c'est nécessaire de développer ce point. Et on y reviendra juste après cette pause. J'aimerais te proposer 5 minutes de heure, à moins que tu aies une musique que tu souhaiterais écouter. Alors oui, j'aimerais bien écouter une chanson. Je ne sais pas si tu vas la trouver, mais Bora Vocal de Rhône. Rhône, R-O-N-E. A tout de suite après Bora Vocal de Rhône. Il y a une vérité simple, sobre, crue, quoi. Un truc. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. Et tu l'évases au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi. L'énorme puissance d'univers, quoi. Faut que Caracol, il existe en toi complètement, que Ertov Stroknis, il soit toi, quoi. Que Piedro de la Roca, tu le deviennes. La goutte aussi, tout l'univers et tout le vent, tu vives complètement là-dedans. Quoi. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent. Quoi. Et que tu te battes et que tu fasses aucune concession sur le reste, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, t'es rien, la consulting c'est de la merde. Quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là. Quoi. Ça restera, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre. Pour écrire ça, ouais, là ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, je dirais ça, t'es pas superflu, quoi. Là, t'as une nécessité quand t'écris ça, quoi. La nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qu'il faut putain de tenir, quoi. Lâche pas le morceau, tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession, quoi. Y'a pas de concession avec la vie, quoi, y'a pas de concession, quoi. Tu vis, on faut vivre à fond. C'est la nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qui vous énerve, mec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Écoutez Bora Vocals de Ron. Bora Vocal de Ron, c'est ça. Oh là, j'ai une très mauvaise mémoire à court terme, donc pour ce genre de choses, il faudra m'excuser. Donc on était en train de parler donc, d'économie sociale et solidaire avec Félix. Félix. Phoenix pour les intimes. Phoenix pour les intimes. On n'est pas encore à ce niveau d'intimité. Surtout avec les auditeurs. Qui va nous rappeler déjà le nom de son association. Oui, Développe. Développe EDEC. Développe pour les intimes. Et alors, il me semble que Mathias voulait poser une question. Ouais. J'avais une question. Est-ce que certaines entreprises n'utilisent pas trop le concept d'économie sociale et solidaire pour faire de la communication et vendre plus de produits en se revendiquant comme... Effectivement, je pense que c'est une des limites qui peut être atteinte. On parlait ensemble là, de Innocent. Et effectivement, est-ce que Innocent... déjà, il faut voir, est-ce que... Dans tout le processus donc de production, est-ce que donc ce sont des fruits qui sont issus donc d'agriculteurs qui sont pas exploités? Innocent, que je rappelle qu'il y a une entreprise qui vend des jus de fruits. Voilà. Plutôt cher, il faut le dire. Et des smoothies aussi, ils vendent des smoothies aussi. Et des smoothies aussi. Et c'est très bon. Et oui, c'est cher. Et ils vendent, sur chaque bouteille, il y a 20 centimes de profit qui va aux petits frères des pauvres. Voilà. Et donc là, effectivement, je pense que c'est chacun juge si ça lui va ou pas. Est-ce que par exemple, dans le processus de production de Innocent, est-ce que ce sont des personnes qui sont en réinsertion, des personnes qui sont issues du chômage de longue durée ou des personnes handicapées, etc. Là, ça peut rentrer en ligne de mire. Mais effectivement, si c'est juste comme du jus de fruits, Andros, mais avec 20 centimes, 20 centimes reversés... à une association, on peut trouver ça dommage et effectivement utiliser comme un coup de com. Et en plus, depuis combien de temps existe ce concept? On va dire que ça fait une dizaine d'années que ça a été théorisé. Il y a beaucoup d'initiatives qui datent d'avant, qui se réclamaient pas forcément de l'ESS, puisque ça n'existait pas encore comme concept, mais qui le faisaient déjà. Voilà, c'est ça. Mais ça fait vraiment 10 ans qu'on commence à en parler et que ça prend vraiment de l'ampleur. Et bon, si on veut parler en termes de statistiques, c'est à peu près 10% du PIB français, c'est représenté par ce qu'on appelle l'ESS. C'est super vaste. Donc on peut mettre beaucoup de choses sous le nom de ESS, mais le fait est qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui travaillent. Et ce qu'on voit aussi notamment, c'est que ça intéresse de plus en plus les jeunes. Donc quand ils cherchent un travail, dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, c'est je veux un travail qui ait du sens. Et donc justement, l'ESS, c'est une manière peut-être de effectivement gagner moins d'argent que si on était allé dans un travail, on va dire, classique, mais où c'est compensé, la perte d'argent est compensée par le gain en sens. Sens. Voilà, c'est ça. C'est beau. Absolument. Et donc toi, tu as bientôt fini tes études. Enfin, je sais pas en fait. Ouais, alors, t'es encore dans tes voilà, études. Voilà, moi je suis encore étudiant. Je serai diplômé en 2020. Et donc. Tight. Starfoula. Moi aussi, en vrai. Starfouli là. Hein. Et moi aussi. Toi aussi, Dima. Ouais, moi aussi. Et donc, bah, d'ici là, je dois effectuer des ce qu'on appelle des stages de césure, donc dans une entreprise normalement. Donc, effectuer des stages et je ferai une dernière année, je pense la faire en échange dans un pays avancé en termes de développement durable, donc le Canada ou les pays scandinaves. Et après, j'aurai terminé mes études. Et après, donc voilà, ça, je vous demande. Après tes études, est-ce que tu comptes aussi dans ta recherche de sens rejoindre une entreprise qui fait de l'ESS ou pas? Alors pas forcément là pour l'instant tu veux du bif, c'est ça? De la moula. Je m'oriente plutôt donc pour travailler en tant que donc dans un cabinet de conseil en développement durable. Donc puisque à l'origine je suis plus un écolo que un socialo, mais à l'origine donc, voilà, c'est ça. Et TMTC Dima, et donc le conseil en développement durable conseille donc les entreprises, les pouvoirs publics, les associations sur comment avoir un impact moindre sur l'environnement. Donc je travaille là-dedans. OK. Mais Félix, je crois que tu as oublié de. Tu as une ambition, c'était de devenir président du conseil. Non, secrétaire général. Ah, pardon, secrétaire. Non, pas de secrétaire. Si. Secrétaire général du conseil de l'ONU, c'est ça? Ouais, voilà. C'est pour ça. Bientôt, ça, non? Après tes études, ça. Ouais, mais ça part, c'est après mes études, je pense. Je vais faire un petit séjour sur Mars, tu vois, pour voir le futur, un peu comment ça va se passer. Parfait. Et après, je reviendrai, je serai SECGEN de l'ONU. Ouais. SECGEN. Ouais, TKT. Secrétaire général, SECGEN. T'aurais dû monter dans la voiture Tesla. Oui, c'est ça. J'aurais dû faire un petit tour avec. Pour leur tour, évidemment. Pour leur tour. Tout le monde sait que la voiture Tesla, c'était pour revenir. Ouais. Hein? Alors, c'est. Non, mais je sais, mais pourquoi tu dis qu'elle va revenir? Non, mais en gros, tu montes dans la voiture, tu es emmené par la fusée et tu reviens en voiture. C'est pour ça qu'il y a une voiture, c'est pour le retour. Ouais, voilà. Ok. Débarre. Et merci beaucoup Félix. Et bah, c'est moi tout. Qui te remercie pour cette bah, on interview. Arrive déjà à plus de la moitié de l'émission et on va faire la pause musicale et ensuite on va reprendre pour notre partie chronique. Et Félix, tu restes. Il faut les jeux aussi. On vient rester. Et il faut les jeux. Parfait. Oui, là c'est la partie musique, jeu, musique. Ah, merci Félix. Je suis pressé de voir ce qui va se passer ensuite. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Mais moi j'ai encore masse questions, ouais. Ah. By myself, pick out dust them all, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. Six, I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986. Alors attends, t'es vraiment daltonien, mec. Donc la fiche coco, ok. Attends. Là, on a un super truc important. Ah, ouais. Ok, alors Renan, t'as un jeu à nous proposer. Ouais, c'est un jeu super, c'est un jeu basé sur les couleurs. Donc en fait, on va, dans cette pièce, chacun son tour, va donner une couleur. Et la personne qui trouve un objet de cette couleur le plus vite possible... Enfin, chaque personne doit trouver un objet de cette couleur, et celui qui ne trouve pas est éliminé, en fait. Voilà. Okay. Donc, Alex, donne une couleur. Le mauve. Ouais, voilà. L'affiche. Attends, on peut expliquer. C'est quoi, c'est du violet? C'est ça? Ouais, à peu près. Ok. En fait, je me suis un peu niqué avec ce jeu parce que je suis daltonien. Alors attends. T'es vraiment daltonien, mec? Donc l'affiche coco, ok. Attends. Là, on a un super truc important. Ah, ouais. T'es vraiment daltonien? Ouais, t'as lâché un truc qu'il fallait pas lâcher. Faut jouer au jeu. Okay. Ok. Mais c'est pas obligé d'être dans la pièce. Je sais pas si. Je suis daltonien. Ok. Donc. Je sais pas si le truc de Mathias, on peut vraiment considérer comme mauve. Ouais. Ça va. Ouais, là, c'est mauve aussi en fait. Mais non, mais sauf que là, si on part en discussion, on recommence avec cette couleur là. Bah, juste, mauve, c'est, déjà c'est un peu. Mauve, c'est un peu casse. Hein. C'est un peu. Non, C'est ambitieux. Ah, bah, c'est bien. Bah, je lance le niveau très vite, hein, excusez-moi. Ouais, ça. Ok. Mauve, là, sur l'affiche, le queue du pan. À toi, Renan. Oh, le bâtard. Non mais en fait c'est plutôt c'est le dernier qui a trouvé une couleur qui est éliminée. Donc la queue du pan. Il en reste deux. Bah non, il y a trois personnes en lice là encore. Moi c'est clairement pas mauve mon t-shirt. Hein. Ah si t'as dit... Bah si j'ai dit un corps de bœuf. Faut que je trouve un truc sinon. Est-ce que le sac Norea Japan là c'est mauve? C'est du bleu ça. C'est du bleu. Putain. Ok, alors Renan, non mais Renan, tu te rends compte que tu viens de nous proposer un jeu avec des couleurs alors que t'es daltonien, j'aime mec? J'aime beaucoup les couleurs mais je suis daltonien donc okay. Si je fais que pour communiquer c'est différent. Ah ouais, non mais c'est rose ça, moi je le vois rose. Mais c'est quelle couleur que tu confonds du coup? Moi aussi je le vois rose, c'est juste que l'écran il est mauvais. D'accord, alors c'est compliqué, c'est pas toujours la même chose. Le marron et le rouge, le bleu violet, le violet je n'existe pas pour moi. Ah oui, en fait c'est le violet, c'est compliqué. En fait t'arrives à voir les couleurs primaires. C'est ça, mais souvent je vois pas les nuances, genre le violet n'existe pas. Le jeu se transforme en confession intime. Je suis désolé. En plus la musique elle va trop bien avec confession intime, c'est ouf. Et... Ok. Ouais, sinon. Et le rose, ouais, je le vois vite fait, mais. Okay. Ouais. De toute façon, le rose, c'est pas la même couleur. Mais... Est-ce qu'on peut pas faire la même chose avec des sons pour pas discriminer Renan? Avec des sons? Qu'est-ce qui jappe? Non, c'est mais sûr. Tu peux dire, t'as d'autres choses, par exemple, un prof énervé. On peut dire qu'il jappe s'il est énervé. Ouais, tu as beaucoup trop long. Pour moi, c'est un lapin qui jappe. Non, un lapin, non, mais ça. Ok, c'est on fait comme un chien qui jappe. Le loup. Glapi. Alors. Le loup Glapi? Oui, le loup Glapi. Le chien. Jappe. À quoi? Il aboie. Aboie. Mais non, c'est quoi qui jappe? Ah, il y a le lièvre qui vagit. Le bon. Le vaginage donc. Hein. Le vaginage. Vagissement. Le vagissement. Bon, best jeu ever, Renan. Écoute, on n'a pas encore fini. Non, mais il est daltonien, je vais donner une autre couleur. Il a dit qu'il voyait pas le mauve. Allez, donne une couleur et Renan trouve un. Vert. All I need is 5 minutes, if you can see the sign. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. Stop the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses, following courses, and again kisses, following courses, like a butterfly effect. One dip of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love don't spread. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. Butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket, the love don't spend. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. On se retrouve sur Radio Campus Orsay après cette petite pause musicale. Ça va, on va passer à la dernière partie de l'émission avec nos petites chroniques. C'est un nouveau concept, on essaye un peu de développer, on fait des chroniques de plus en plus avec Renan, ça nous plaît. Et puis Alexandre a décidé de se joindre à nous. Absolument. Avec grand plaisir. En fait, c'est plutôt qu'on a décidé de faire l'émission moins à l'arrache en fait. Qu'au départ. Voilà. Est-ce que ce serait pas l'occasion de raconter une petite anecdote sur la toute première émission qu'on a fait en live? Oh oui, j'étais là. C'était... Non, t'étais pas là. Mais j'ai pas une anecdote précise en tête, mais plutôt oui, je m'en souviens bien que c'était très très très très à l'arrache. Très à l'arrache, avec un petit tableau avec des trucs griffonnés. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite on effaçait et on réécrivait entre chaque pause musicale qui était une sorte de répit sur les trous. Et en fait, tout s'est construit en fait au fur et à mesure. Ouais, c'était pas marrant, c'était quand même marrant à faire. Le rush, comme ça. Le rush, ouais. Petit coup de pression. Ouais, trouver des jeux, genre, trouve un jeu, genre, classique. Oui, juste pendant la musique, trouve un jeu. Attends, je mets une deuxième musique, attends. C'est assez marrant. Mais bon, je pense que c'est pas mal de continuer à évoluer comme ça. Peut-être qu'un jour, on arrivera sympa. On évolue ensemble, Mathias. Je te quitte jamais. Ouais. Un jour, on aura un enfant qui s'appellera Graphène. Granit. Granit. C'est chelou, les gars. Il aurait pu s'appeler Graphène, hein. Graphène aussi, ouais. Monsieur, c'est plus joli, Graphène, ça ressemble à Raphaël un peu. Ouais, une petite Graphène. Mais alors, moi... on fera plusieurs enfants, hein, Mathias, t'inquiète pas. Ah oui, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Ah bon, ça, je me fais pas de soucis pour ça, Renan. Il allait en chemin. Renan, arrête. C'est alors... pas ton problème à toi. Moi, mon problème. Tu fais de la discrimination là. Moi, non. Bon, est-ce que vous pouvez me laisser faire ma chronique? Non. D'accord, bah, très bien, je la fais quand même. La preuve, je commence à changer de musique. Alors, l'autre jour, je me promenais à Paris et j'ai pu voir une de ces fameuses fontaines qui sont en général repeintes en verte. Est-ce que vous voyez ces fontaines avec 4 femmes autour? Ouais. Moi, ça me dit rien. Quoi? Ça te dit rien? À Paris? C'est un peu alors, vague, oui, à 4 femmes. Avec un truc pour boire, là. Des vraies femmes. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup de ces fontaines. Ah oui, je vois, ouais. Ah oui, je vois, ouais. C'est assez atypique. C'est là où tu bois de l'eau. Voilà. Tu peux pas boire à la bouche et tu dois mettre tes mains. Oui, c'est ça. Ouais. On peut pas boire à la bouche, on doit mettre ses mains. Est-ce que tu vois, Renan, à quoi elle ressemble? Absolument pas. Absolument pas. Si, moi, alors, vois. Tu peux chercher sur ton téléphone, comme les auditeurs qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Ça s'appelle une fontaine Wallace. Ok. Alors, pourquoi ça s'appelle les fontaines Wallace? C'est parce qu'elles ont été offertes par Sir Richard Wallace en 1872 à la ville de Paris. Sa femme était française et il adorait la France et il a décidé d'offrir des fontaines, donc un peu après Haussmann. Et je trouve que ça colle bien avec le style d'Haussmann, bon, ça c'est anecdotique. Et alors pourquoi il offre ça? Il offre ça à une époque où quand on a besoin d'eau dans Paris, il faut payer un porteur qui va transporter de l'eau d'un puits à chez vous, et ça coûte très cher. Et on préfère boire du vin que de l'eau, parce qu'en plus le vin est beaucoup plus sain, et parce que la fermentation du vin va empêcher que d'autres ferments, d'autres bactéries se développent qui vont être mauvaises, qui sont dans l'eau. Donc Sir Wallace trouve que c'est important que les Parisiens, qui est dans une des plus belles villes du monde, aient accès à l'eau plus facilement. Donc il demande à qui, je ne me rappelle plus de son nom, c'est Charles-Auguste Lerbourg, de designer ces très belles fontaines qui sont très caractéristiques. Alors on a un chapiteau en haut, l'eau elle coule au milieu, et il y a quatre cariatides. Alors les cariatides, ce sont des femmes qui servent de colonne, tout simplement. Une statue de femme qui sert de colonne, et ces fontaines, on les reconnaît aux quatre cariatides qui les forment. Mmh. Alors cariatide, ça vient de Carès, qui est une ville de Grèce, et c'est pour ça qu'on appelle... Alors je pense qu'il devait avoir beaucoup de cariatides pour fabriquer leurs bâtiments, et c'est pour ça que ça s'appelle les cariatides, les femmes statues qui servent de colonne. Et donc je cherche, pendant que je me pose cette question en promenant de Paris, ce qui est vrai, j'étais vraiment en train d'être dans Wikipédia dans les transports, je tombe sur plein d'articles qui parlent de colonne, et donc je vois colonne, chapiteau, un chapiteau qui se trouve au-dessus de la colonne pour pouvoir soutenir la bâtisse, et je suis aussi tombé sur le mot pilastre. Est-ce que tu sais ce que c'est un pilastre, Alexandre ? Absolument pas, mais ça ressemble à pylône ou à tout ce qui peut soutenir une bâtisse. Renan, est-ce que tu peux faire la différence entre un pilastre et une colonne ? Alors, je suis très mauvais en vocabulaire architecture. Très mauvais. J'ai tout appris dans Flaubert, hein, sinon je connais absolument pas ce genre de mots. Vas-y, dis-moi. Alors, un pilastre, c'est en effet, ça ressemble d'apparence à une colonne. Mais ce qui différencie la colonne du pilastre, c'est que la colonne va être séparée du bâtiment, alors que le pilastre va être encastré dans le mur. C'est qu'un élément décoratif. C'est, on dessine dans le mur, on fait ressortir légèrement une colonne, comme si elle était à l'intérieur. C'est un bas-relief un peu. Exactement, un peu comme un bas-relief, et un pilastre ne sert que de décoration. Donc voilà, je trouvais que ça marrant. Ouais, c'est super intéressant à retenir. Et petite anecdote supplémentaire pour revenir à cette fontaine Wallace. Alors, la première fois que j'entends parler des fontaines Wallace, c'était sans les voir. Je savais pas qu'elles s'appelaient comme ça, je les avais déjà vues. Mais c'était dans le parc Saint-Julien-le-Pauvre, juste à côté de Notre-Dame. Et il y a une très belle fontaine qui a été remplacée, enfin une ancienne fontaine Wallace qui a été remplacée pour pouvoir mettre une sculpture moderne 1980 à peu près. C'était une ancienne fontaine Wallace qui sont assez grandes et qui a été mise, il me semble, au musée des égouts. Voilà, donc cette fontaine. Musée a été des égouts. Que j'ai visité, tu que connais je pas, vous présenterai. Mec. Que je vous présenterai peut-être tout à l'heure. Bah t'habites pas là-bas ? Oh, cling cling. Et tu fais les concours de Lysias en mode clash, toi, non ? Exactement. Et j'ai entraîné Renan. Pour finir l'anecdote sur ces fameuses fontaines Wallace, c'est que comme l'a dit Félix, on est obligé de tendre ses mains, je ne sais plus si Félix et Alexandre, on ne peut pas passer la tête. Mmh. L'écart entre les quatre cariatides ont été décidés par Sir Wallace, et a demandé aux designers de les rapprocher beaucoup pour que les porteurs d'eau ne puissent pas mettre leur seau et vendre ensuite l'eau qu'ils récupèrent dans les fontaines. C'est intelligent, ça. Voilà. Donc il y avait des verres autour qu'on pouvait décrocher, qui étaient accrochés par un petit crochet. Il y en a beaucoup qui ont disparu, et aussi niveau hygiène c'était pas top, donc après ils ont été enlevés, ces gobelets. Mais il y avait un gobelet fait exprès pour pouvoir tendre son bras entre les cariatides et se servir de l'eau. Waouh, c'est intéressant. J'aime bien. Cariatide, pilastre. C'est vachement très étonnant, hein. Très, très original. Mm. Mais là, c'est vraiment la question du mobilier urbain à Paris qui est intéressante, je trouve. Mm. Parce qu'on a plein de trucs comme ça, genre les colonnes Maurice, plein de trucs comme ça qui structurent Paris, qu'on les reconnaît, et en même temps, on ne saurait pas vraiment dire ce que c'est. Ah, ou les bouches de métro, Art déco. Ouais. C'est propre. C'est propre. Dimitri. Et si ça vous plaît, je m'y intéresserai pour pouvoir faire une autre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces fontaines, c'est le fait que ça serve maintenant, après une petite soirée de beuverie, aérée dans les rues de Paris, quand tous les bars sont fermés, à remplir sa bouteille en verre pour éponger un petit peu. pour faire une pause gourde. Mais quoi. C'est très très bien pour ces choses-là. Je suis étonné parce que je n'ai jamais vu ces fontaines. Alors, t'en as une à Denfert qui est à taille moyenne. Elle est où à Denfert ? Alors à Denfert, elle est en... Elle est dans la gare, hors de la gare ? Hors de la gare, elle est en face des catacombes et du Lion, en face de la bouche métro de la 4. Il y en a partout, je cherche Fontaine Wallace, t'en as dans des parcs. Il y en a différentes tailles, au début Sir Wallace on avait commandé 5, et après le concept a été repris et ont été payés par d'autres personnes, mais c'était Sir Wallace qui a sorti l'argent de sa poche pour pouvoir offrir à la ville de Paris l'accès à l'eau. Il y en a à Luxembourg, les trucs qu'on voit à Luxembourg c'est des Fontaines Wallace, parce qu'elles sont pas vertes en fait. Non, la couleur verte, ça a été repeint après pour pas que le métal s'abîme. Mais une fontaine Wallace, elle se reconnaît facilement par son design, avec un chapiteau très orné et porté par quatre femmes. Ouais, t'en as sûrement vu. Si, si, t'en as sûrement vu. Mais elles sont pas toutes vertes. Enfin, je crois que maintenant, ils les peignent en différentes couleurs. J'en ai vu une en jaune, je crois, ou rouge. Il y en a une rouge, ouais. Voilà. Donc, en faisant des recherches, j'ai tombé sur une rouge. Et pour finir sur les chapiteaux, comme j'ai dit, au-dessus des colonnes, il y a les chapiteaux. J'aimerais vous conseiller d'aller voir au Louvre, et de ne pas faire le truc commun, mais d'aller dans la section Moyen-Orient, Antiquité Moyen-Orient. Et il y a une salle qui est attribuée à Darius Ier, je ne sais pas si vous connaissez Darius Ier, qui est un très grand empereur perse. Et qui, alors je sais pas s'il succède ou s'il précède Alexandre, mais c'est les mêmes terres. Et alors lui, il avait une salle d'audience qui s'appelle Apadana. Et il y a une reconstitution. Il y a des éléments de cette salle qui faisaient quand même 21 mètres de haut, avec des colonnes qui étaient soutenues par des colonnes de 21 mètres de haut aussi. Et à l'intérieur de cette pièce, donc, qui est attribuée à Darius Ier, il y a le chapiteau, donc le sommet de la colonne qu'on peut voir trôner au milieu des pièces du Louvre qui sont très hautes. Et alors, il faut voir sur Internet, hein, voilà, à la limite, c'est un chapiteau qui est fait de deux bœufs qui se séparent et qui viennent tenir la poutre. Et pour moi, c'est vraiment c'est magnifique. Ils sont faits de manière très carrée, en fait, on voit. C'est très cubique, pardon. On voit comment les deux bœufs, enfin le bœuf bicéphale en soi qui sépare au niveau du buste, se part dans deux sens et ils sont tenus dans le cube C. Pour moi, j'adore ça. Et sur les côtés, on peut avoir des mosaïques et des bas-reliefs qui représentent l'armée de Darius Ier. Donc voilà, pour finir sur les chapitres. Et Darius, pour te répondre, n'a pas connu Alexandre. C'est son fils, petit-fils, Cyrus II, qui a connu Alexandre. Darius, lui, il a affronté les Grecs directement lors de la guerre, les guerres attiques. T'en souviens du montrer ou pas? Ouais, les sales guerres. C'est des cours de. Ouais, je m'en souviens, il y a un, ouais. Voilà. C'est 300. Voilà, entre autres. Sauf que 300, c'était pas Darius. Oui, je sais, c'est ça la blague. C'est bien, t'as compris, toi. T'as compris la blague. Waouh. Alors, petite pause musicale pour rebondir sur la guerre. C'est Alexandre qui a choisi Hello Vietnam. A tout de suite pour la suite de nos chroniques. Ah, t'as joué Hello Vietnam, yeah! Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves us one and all. War will ever end. There's fighting that will break us up again. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. Goodbye, I hope and pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. Kiss me goodbye. We must save freedom now at any cost. Or someday our own freedom will be lost. Kiss me goodbye and write me while. Bonsoir. Alors après les fontaines, on se retrouve encore sur RCO et on va vous illuminer avec des propos qui coulent de source, n'est-ce pas? Et notamment la chronique d'Alexandre tout de suite. D'accord, mais d'abord il y a une petite dédicace. Ah oui, c'est vrai. Dédicace à Michel. Oui. Voilà. Développe, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça, Laurent Baffy? Bah je sais pas, comme ça Michel a l'air sympa. Ah, parce qu'elle t'a complimenté sur le fait exactement. Que tu étais le Laurent Baffy de l'émission. Exactement, du coup merci. Merci pour le compliment et dédicace. Alors je fais ça à l'arrache un petit peu. J'aimerais bien que pour ma chronique tu mettes une petite chanson. Ouais, en fond. Ouais. Alors. Pink Floyd, un nom qui est très très long. Several species of animals. Après tu devrais trouver ça. Ok. Alors, on part sur du très très simple. Alors voilà, c'est en gros des petits bruits d'animaux dans les oreilles, c'est génial. Voilà, alors donc du coup, comme vous avez deviné, ma chronique elle va parler d'animaux et donc d'histoire un petit peu. En fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et ça m'a vraiment surpris et j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée. Il y a eu au Moyen-Âge, donc entre le 11e et le 17e siècle, des procès d'animaux. Alors c'est pas des blagues, hein, donc des animaux qui étaient jugés en procès pour des crimes. Sérieux? Qu'ils avaient commis. Et donc alors il y a plusieurs cas. Alors quels animaux, vous allez dire? Est-ce que c'est des... parce que l'humain est un animal. Mais là on parle bien, donc par exemple rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons. Sangsues, il me semble aussi. Sangsues, alors voilà, des sangsues. Il y a beaucoup de choses comme ça, j'étais très amusé de voir ça. Et alors vous allez dire pourquoi? Pourquoi? Moi je veux savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils étaient jugés? Pour quel crime en tout cas? Ça pouvait aller en fait de tous les crimes qu'on peut reprocher aux humains. Souvent en fait c'était chez les paysans, par exemple quand il y a un animal qui ravageait des terres ou des choses comme ça. Et aussi ce qu'on peut se demander c'est qu'est-ce qu'ils avaient comme peine si j'étais jugé comme ça. Alors je vais vous détailler un petit peu la procédure, c'est assez rigolo. Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que quand l'animal est mis en cause dans son procès, il y a une personne, je me souviens plus son nom, une personne qui vient lui demander de venir à son procès, qui vient demander au cochon, à la sauterelle, au poisson de venir à son procès. Qui le convoque en soi. Voilà. Et il peut s'y reprendre à trois fois. C'est-à-dire qu'il a trois fois, il vient lui dire. Et si l'animal ne veut toujours pas venir, eh bien, il est emmené de force. Voilà. Ah, mais il y avait déjà des principes de justice équitable. C'est vraiment très beau, ouais. Au Moyen-Âge. Donc, la Suédoche n'a pas tout inventé. Le Moyen-Âge était animaliste. Voilà. Et alors, en termes de peine, donc assez souvent, ce qui s'applique, c'est ce qui s'appelle la loi du talion. C'est-à-dire essayer de réparer la faute qui a été commise. Et notamment, il y a un cas assez drôle où on a demandé à un ours de remplacer un bœuf de trait qu'il avait tué dans un attelage. Débat. Non, voilà. S'il refuse, il n'y avait pas des excommunications? Alors voilà. Il y a aussi des peines d'excommunication. Ils peuvent être maudits aussi. Beaucoup de choses comme ça. Malédiction, oui, malédiction. Là, c'est tendu, hein. Tendu. Évidemment, il peut y avoir la mort aussi. Voilà, la peine de mort. En dernier recours, quand même. C'était aussi assez souvent sur des populations d'insectes nuisibles pour les récoltes. Voilà, ça s'est beaucoup fait, particulièrement au XVIIe siècle. Et voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Dans quel pays, tu sais pas plutôt? En France. Alors, il y en a eu beaucoup en France. Alors là, l'exemple, je saurais pas te dire. Donc c'est l'Église qui organise ces procès. Alors moi, si je peux compléter, j'ai lu ça dans le Nouveau Traité de l'écologie, qui est un très bon livre des années 90. Et il présente que, en soi, on présente le Moyen-Âge comme un temps plutôt arriéré, pardon. Mais en soi, pour certaines choses, ils étaient déjà en avance. Parce que, alors, l'exemple qu'il aborde à notre époque, c'est dans les années 90, donc à son époque. Aux États-Unis, ils veulent fabriquer un parc d'attractions. Et il y a une association qui souhaite militer pour pouvoir empêcher cette fabrication de ce parc d'attractions qui... en fait, causerait la déforestation d'une zone avec un écosystème, etc. Et la plainte n'a même pas été retenue, car la forêt et l'écosystème n'avaient pas de... intérêt à agir. N'étaient pas reconnus de manière juridique. Alors qu'au Moyen-Âge, si, les animaux avaient... les animaux, alors pas les écosystèmes, pas à ce que je sache, avaient un statut juridique. Et il y a parfois, en fait, où les nuisibles gagnaient en fait le procès parce que ils étaient considérés que alors elles avaient donc un avocat. Elles avaient un avocat. Bien sûr, commis d'office si elles en avaient pas un choisi. Mais, ouais. Mais ça fait sourire, c'est bouillant. Non, mais ça pose un vrai problème en fait, la représentation des animaux, la représentation aussi des végétaux, la représentation des écosystèmes, ça pose un vrai problème parce que comment tu fais pour exprimer la volonté d'un... C'est vraiment intéressant. Oui, mais okay. comment ils expriment leur volonté? Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question après pour ouvrir un petit peu. C'est est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça en termes d'antispécisme, en termes d'essayer d'insérer comment dire le règne animal dans le processus juridique. Moi personnellement, je trouve ça clairement justifié parce qu'on les insère dans notre moyen de fonctionnement, dans notre société, parce qu'on on empiète un peu sur le territoire. Je pense que c'est justifié qu'au moins les reconnaître de manière juridique et que si une association considère que les humains sont en tort contre une espèce, de pouvoir les protéger, qu'ils puissent prendre parti. Je ne sais pas ce que tu en penses, Renan, toi qui es en droit, en master de droit. Taït. Je laisserai Félix, je vais parler après peut-être, mais Félix, qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que... transférer ça littéralement, donc écouter donc des animaux dans un procès, ça paraît un peu illusoire. Mais je pense que la question des droits des animaux est importante et dans un processus de reconnaissance donc de la conscience des animaux, c'est important de leur donner une existence propre et y compris dans les textes. Non mais moi je suis tout à fait d'accord en fait, en vrai là je fais malin, mais les fictions juridiques en droit il y en a énormément, en fait c'est pas du tout une limite, parce que par exemple, pour donner un exemple qui est très connu, l'intérêt général est représenté par le procureur, donc lors du procès pénal, il y a une personne qui va représenter l'intérêt général de la nation, et qui va poursuivre des personnes et qui va les punir au nom de l'intérêt des personnes, et c'est, le procureur parle au nom d'une fiction, enfin parle au nom de quelque chose qui est abstrait, pareil, il y en a des députés qui parlent au nom de la volonté générale. Qui existe peut-être, mais qui n'est pas présente là. Donc oui, en fait, on pourrait représenter les arbres. Il y a un juriste américain qui a écrit un livre, Les arbres ont-ils le droit, enfin, devraient-ils avoir le droit de vote? Et le nom est provocateur, mais en fait... Mais est-ce qu'il voterait avec des papiers? Parce que là, c'est... Pas mal. Nous, on serait obligés de voter avec des bouts de peau, quoi, avec des tatouages. Mais après, il y a la question du procès, après, il y a aussi la question de la participation politique. Non, mais en gros, c'est vraiment intéressant, c'est est-ce qu'il faudrait des avocats spécialisés dans la cause animale? Est-ce qu'il faudrait laisser les associations avoir un intérêt à agir? Parce que le problème, c'est, en fait, la question que je me pose, c'est parce que quand tu dis représentation juridique, c'est large. Ça veut dire beaucoup. Parce qu'on peut représenter juridiquement bien différemment des personnes. Est-ce qu'on leur donne le droit d'être une partie? Donc on leur donne un intérêt à agir. Ça peut, c'est possible. Ouais. Et tu as même des auteurs en sciences politiques qui voudraient, faire dans les parlements, organiser une frange obligatoire de représentants, genre des députés qui vont représenter, par exemple, les arbres ou les animaux. Qui font partie en soi de... Et qui auront une place à l'Assemblée et qui viendront s'exprimer au nom des animaux et de leur intérêt. Après, ce qui pose problème, c'est qu'ils se fassent bien représenter. Oui, voilà. Parce que je disais, le procureur représente une idée, mais il représente une idée qui est assez précise. Parce que quand il représente l'intérêt général, il représente sous l'application des lois. Donc en fait, le procureur, lui, demande le respect des lois. Donc il a des textes. Il a des assises assez précises. Le problème d'un avocat des animaux, c'est que pour l'instant, on a des bases juridiques extrêmement lâches. Donc il faudrait un dispositif juridique beaucoup plus précis, je pense, pour avoir d'importants, parce que beaucoup d'associations, et le problème du spécisme, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, donc beaucoup d'associations auront des opinions très différentes sur la façon dont il faut traiter les animaux. Et encore aujourd'hui, pour l'instant, la position qu'on a en France sur les animaux, sur la place des animaux, c'est les reconnaître comme des biens, mais en faire des biens qui ont un régime spécial, qui ont un régime de traitement... pas dégradants et de traitements qui respectent leur sensibilité. Bah déjà, il y a des lois sur la cruauté animale. mais on n'en est pas encore à un traitement où ils auront un régime de protection des droits égal aux hommes. Ce qui pour moi paraîtrait par contre complètement stupide parce qu'il y a des droits qui ne concernent absolument pas les animaux. Et moi j'ai toujours été contre, je ne sais pas ce que tu en penses Félix, contre l'assimilation des animaux aux hommes. Je pense pas que le spéciste devrait aller vers une intégration. Une assimilation de l'animal à l'homme. Je renverrai, attention, c'est très pédant, mais j'aime beaucoup cette vidéo. La vidéo de Deleuze sur les animaux, et dans laquelle il explique que lui, il a un rapport animal à l'animal et pas un rapport humain à l'animal. Et c'est vachement marrant parce qu'il parle de son propre chat et de la façon dont il le traitait, etc. Enfin bref, c'est un peu bidon, mais en même temps, c'est assez marrant. Voilà, et donc je pense qu'il faudrait avoir un rapport animal-animal, ce qui fait que juridiquement, c'est spécial. Enfin, c'est un peu spécial. Je pense que ça pose des bonnes questions. Qu'est-ce que t'en penses, Félix? Moi, je vois pas très bien ce que t'entends par un rapport animal. Donc, jouer l'animal avec l'animal, c'est ça? C'est ça le problème, en fait. Comment est-ce qu'un humain peut communiquer avec un animal? Parce que. Après, c'est des présupposés, parce que le problème, j'expose mes présupposés moraux, etc. Je pense pas qu'un animal puisse penser comme un humain. Donc, je pense pas non plus qu'il puisse. Revendiquer des droits, c'est spécial. C'est ça qui est assez risible aussi dans les procès d'animaux au Moyen-Âge, c'est qu'on essaye de juger un animal comme un humain. C'est un peu anthropocentrique. Voilà, et on l'excommunie alors qu'il en a rien à foutre, l'animal. Et. Est-ce que c'est pas plus anthropocentrique de l'ignorer, en fait, l'animal? Non, mais au final, un procès, ton procès, ça va toujours être des humains que des humains. Le gros problème, et ça c'est en écologie, je pense que Félix tu dois connaître cette distinction, c'est entre la durabilité faible et la durabilité forte. Et en droit de l'environnement, et même en droit de l'environnement en France, on reste sur un modèle qui est vachement anthropocentrique. C'est-à-dire qu'en gros, on veut protéger l'environnement de façon proportionnée, c'est-à-dire on va protéger l'environnement dans la mesure où ça protège l'homme en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on va... Tu sais, par exemple... On va en droit de l'Union européenne, on dit qu'il faut protéger l'environnement à un degré élevé. Mais le degré élevé, c'est un degré de conservation qui est proportionné pour les besoins de l'homme. Par exemple, le juge est toujours en train de proportionner, par exemple, la protection de l'environnement et puis la santé des entreprises, la santé des êtres humains. C'est toujours anthropocentrique. On n'a pas encore ce truc genre qu'avait John Muir aux États-Unis, je finis juste sur ça, oui. D'une durabilité forte qui ferait que l'environnement avant l'homme, tu vois. Mais le problème de poser cette question, c'est que politiquement, c'est très puissant, tu vois. De dire, on va garder intact l'environnement, et là, il faudrait vraiment faire des procès où l'environnement devrait être contre les hommes. Et c'est-à-dire que là, ce ne serait plus un homme qui va dire à un homme t'as pollué la mer, enfin, sale total, t'as pollué la mer, et maintenant, on peut plus, t'as niqué les ressources, et donc, on a moins de ressources, donc moins de satisfaction pour l'avenir. Et t'as niqué la mer, et je te condamne parce que. Je te condamne parce que t'as dégradé l'environnement et que tu l'as réduit. Dans ce qu'il était, mais d'une façon qualitative et non plus quantitative, ça c'est vraiment un saut qui n'existe. Enfin, là pour l'instant, on n'a pas encore le paradigme qu'il faut en droit, et donc ça demanderait beaucoup d'évolution. Voilà. Est-ce qu'il faut l'atteindre ou pas, quoi? Est-ce que. Ça veut dire. Pour moi, ça revient à anthropomorphiser l'environnement, de le considérer pour son bien. Enfin, l'environnement, il n'a pas de bien. Il existe, même si c'est le chaos, ça reste l'environnement. Donc on a notre grille de lecture, la beauté, l'harmonie, etc. Mais tout ça, c'est donc des perceptions qu'on a. Et je pense que notre travail, c'est donc effectivement de plus considérer l'environnement comme des ressources qu'il faut économiser. Mais de là à dire il a fait du mal à l'environnement, il a pas mal. Donc c'est peut-être un peu vain d'aller aussi loin. Bah, pour finir, j'aimerais juste rajouter des références que j'ai par rapport à ce sujet. Alors, il me semble que c'est Arte Tracks, que j'adore, que je recommande souvent. Il y a une vidéo sur deux auteurs qui ont écrit, il me semble, Zootopia, et pas le film animé pour enfants, mais qui est un livre qui parle d'une utopie futuriste proche, où les animaux auraient des droits et pourraient utiliser les transports, plein de trucs. C'est très utopiste et il n'y a pas vraiment d'autodérision dedans, mais c'est quand même intéressant à voir, je pense. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu l'interview des deux co-auteurs. Et pour revenir du coup sur le sujet de base, les procès d'animaux au Moyen-Âge. Alors pour citer le parti animal qui perd, on a des sangsues qui s'étaient trop développées dans un lac. Alors je sais pas si tu la connais, Alexandre. Ouais, je l'ai sous les yeux. C'est très intéressant. Les sangsues sont en 1554, des sangsues sont excommuniées par l'évêque de Lausanne parce qu'elles détruisaient les poissons. Ouais. C'est très contemporain. C'est ils ont fait venir une sangsue qui était présente pour représenter son parti, qui pourrait représenter ses congénères pendant l'audience, et elle a finalement perdu. Et alors, elles avaient 3 jours, il me semble, pour quitter le lac, et après lequel elles se sont fait excommunier par un prêtre. Et alors, ce sont des insectes qui ont gagné un procès. Ils attaquaient des vignes et les paysans se sont beaucoup plaints. Ils ont fait venir les insectes et les insectes ont gagné car ils avaient autant de droits sur la terre de Dieu que les hommes. Et alors, il y a une partie des vignes qui ont été laissées pour les insectes, mais un peu plus loin. Ils ont planté des vignes pour les laisser plus loin. J'ai vu ça justement. C'est un beau, justement, je trouvais que c'est un beau partage parce qu'on leur dit ok, vous prenez ça, et c'est pas juste absurde au point de leur dire non, partez, vous êtes pas sur votre terre. Et c'est très contemporain. Ouais. Ça peut facilement être moqué, mais en soi, c'est un peu une recherche d'équilibre. Ça peut être moqué dans la forme, mais l'idée est là. Je pense qu'en parler aussi, c'est important. Alors, tu voulais mettre Hollows. Voilà, je vous passe après une chanson que vous devez déjà connaître peut-être. Ça a pas mal percé, notamment sur Twitter, si vous êtes sur Twitter ces derniers temps. Vladimir Cauchemar, Hollows. Et si vous pouvez aller voir le clip aussi, qui est excellent. Après vous. On se retrouve juste après avec les chroniques de Renan. Bonsoir à tous, c'est bientôt la fin de l'émission et on va se quitter sur une dernière chronique qui, je pense, va vous faire un peu rêver. Alors, c'est la saison des vacances de février qui sont plutôt dédiées à, normalement, les sports alpins, en tout cas aux voyages dans les montagnes. Souvent, les Français, les petits Français, depuis les années 50, sont habitués à aller en montagne pendant les vacances de février. Et donc, je vous propose de... faire une excursion. Parler, voilà. On va prendre nos grosses bottes et on va partir sur les chemins, partir en montagne. Et surtout, peut-être que vous êtes atteint vous aussi de pérégrinomanie, c'est-à-dire la folie des voyages, les gens qui ne tiennent pas en place, qui ne font que voyager et qui sont toujours obligés de voyager. On va parler un peu de ces gens-là et de surtout le rapport que les êtres humains ont à la montagne. Je voudrais commencer par Alexandre, d'Alexandre Humboldt. vous le connaissez peut-être, vous ne connaissez pas, qui lui est un vrai pérégrinomane et qui a vécu d'abord à Hambourg, mais il se faisait chier parce qu'on se fait chier à Hambourg. Ben oui. Et donc très jeune, il a décidé de partir en Amérique du Sud et après il n'a plus jamais arrêté de voyager. Alors c'était un très grand géographe et aussi un pédagogue. Il a écrit énormément d'écrits sur la pédagogie, mais on s'en fiche, mais ça a inspiré après. Bref. Il a beaucoup fait de travaux de géographie et il a par exemple été le premier à faire une excursion dans les hauteurs, qui a pu en fait faire une topographie d'un lieu dans les altitudes. Il a notamment visité le volcan Chimborazo au Mexique. Voilà, donc c'était vraiment un exploit à l'époque. Enfin, on n'avait pas encore les méthodes pour y aller. Enfin, c'était rare qu'on aille dans les hauteurs et qu'on puisse autant, avec autant de détails, avec autant de temps, prendre des relevés parce que c'était un peu dangereux. Donc on restait pas non plus 15 ans dans les altitudes. Actif, ce volcan. Je sais pas, par contre, j'ai pas. Mais peut-être que j'ai pas suivi, il est né à quelle époque ? Enfin, il vécu. Ah, pardon, ça, j'ai pas dit. 18e siècle. 18e siècle, c'est... d'accord. Ah oui. 18e, 18e, 19e. Donc un grand pionnier de. 18e, 19e, ouais, donc un grand pionnier. Donc ouais, c'est au 18. Et là, je voudrais. Donc avant le 18e siècle, il y avait pas vraiment de recherche scientifique vraiment organisée pour explorer la montagne. C'est au 19e siècle que ça commence, et notamment avec les Britanniques. Bon, les Britanniques, vous le savez, avaient un grand empire, et donc quand on a un grand empire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des cartes, parce qu'on veut savoir ce qu'on possède. Bah oui, attends, on possède des choses, on les relève, enfin on va pas non plus laisser ça comme ça. Petit inventaire. Alors, enfin, petit inventaire. Non mais c'est pour ça, non, mais en plus, sérieusement, c'est pour ça. Et donc il y avait des grandes sociétés de géographie en Grande-Bretagne et dans l'Empire impérial, dans l'Empire britannique, pardon. Et notamment, je voudrais parler d'une montagne en particulier, c'est l'Everest, qui se trouve au Népal. Au Népal, enfin, oui, en fait, un peu partout. Alors, il y a une façade chinoise. Ouais, après, voilà, ça, c'est, je crois que c'est ça. D'ailleurs, on va en parler, c'est vrai. Il y a une façade chinoise. Donc, en fait, finalement, l'Everest s'appelle du nom de Sir George Everest. Je ne le savais pas. Je pensais que c'était un nom. Je suis un peu bête, hein, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que c'est une connotation anglaise. Mais en fait, c'est un peu triste d'avoir une montagne au milieu de l'Asie qui a un nom occidental. Bon, en même temps, c'est marrant, quoi. Enfin, on découvre une montagne, merde, on va pas la laisser aux locaux. Enfin, faut quand même qu'on mette notre nom dessus. Donc, en 1843, Sir George Everest commence à faire des relevés, mais c'est vraiment très léger parce que je vous pose une question, petite colle. Quelle taille fait l'Everest? L'Everest, c'est le pic. 8 km. C'est le pic de l'Himalaya. C'est 8850, moi je dirais. Non, 8484 mètres. T'es chaud, Alex. Ah. C'est 8848, mais c'est 8850. Putain, t'es chaud. Ça se rapproche des 9 km alors. 8800. Qui est chaud? C'est 8850, ouais. Donc ça se rapproche de 9000, ouais. Mais j'ai littéralement dit le chiffre. Non, t'as dit 8350. Mais pas du tout. J'ai dit. 8400. J'ai dit 8484 ou j'ai dit 8000. Allez, on accorde un point. Allez, on lui accorde un point à Dimitri. Voilà. Très bien. De toute façon, la taille, c'est pas la taille qui compte. Donc on continue. C'est ce qu'on en fait. C'est alors, ce que tu dis, ouais. Donc là, je voudrais. Ouais, donc, forcément, bon, on commence à s'intéresser à l'Everest. On se rend compte peu à peu que c'est un mont qui est très très haut. On se pose la question si c'est pas l'un des monts les plus grands au monde. Mais c'est un peu chaud de monter, quoi. Donc, en fait, à partir des relevés de John Everest, on a beaucoup d'expéditions qui se lancent, mais en fait, c'est que des hommes blancs qui galèrent en fait pour monter. Donc, ils chopent tous le paludisme et ils crèvent, en fait. Donc, en 1852, on a plein de Britanniques qui essaient de monter, mais ils crèvent. Mmh. Et finalement, c'est un géomètre indien, Radhanath Sidkar, c'est l'inventeur du Sidkar, c'est ça, qui identifie l'Everest comme le pic de l'Himalaya avec des calculs topographiques. D'accord. Voilà, donc lui il monte quand même vachement haut, on va dire, et assez haut donc pour faire des relevés assez précis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs montagnes qui font plus de 8000 mètres d'altitude. Ah bon ? Il y en a plusieurs. Alors il y a le. Non mais c'est le quand même l'Everest c'est plus haut. C'est quand même le plus haut, mais il y en a plusieurs qui font 8000. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chaîne de montagnes avec l'Everest au milieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment très proches. Ouais. Et donc par exemple ? Alors par exemple, il y a le 4K, il me semble. Le K2. Le K2, voilà. Et il y a aussi le K1. Et le K1, je crois aussi qu'il se rapproche des 8000. Et je sais qu'il y a, il me semble, alors c'est peut-être une connerie, qu'il y a 4 sommets depuis de 8000 mètres. Ouais, le K2 fait 8600. Everest, K2, Kamchanjunga, un truc comme ça. Ouais, je l'ai noté aussi, ça. Kangshu, ouais, c'est ça. J'avais noté aussi. Mais 8611 mètres pour le K2. Pas mal. Donc, sont 200 correct, mètres. Correct, correct, correct, correct. Donc, mais ce qui est point amusant sur les relevés de Radhanath, c'est qu'en fait, le pic 15 sur lequel il est arrivé a été évalué à 29 000 29 002 pieds, soit 8840 mètres. Mais en fait, le vrai relevé, c'était exactement 29 000 pieds. Mais ils se sont dit que ça faisait tellement exact que les gens allaient croire que c'était de l'arrondi bit. Donc ils ont dit, go mettre 29 002, ça fait plus sérieux. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas un truc comme quoi ils gagnent un mètre tous les 10 ans ou quelque chose comme ça. Je pense comme ma bite, en fait. Ouais. Tu fais référence au Mont Blanc, non, ou avec les déchets, non, quelque chose comme ça. Mais non, si, je crois que ça... C'est pas à cause des déchets, c'est juste que les plaques. C'est quoi ça? Alors, les plaques tectoniques. On est limité en hauteur de... Alors ça, c'est un peu de physique, c'est un problème de physique et de... Je sais plus comment ça s'appelle. Géologie, quoi. C'est pas vraiment de la géologie, c'est quand on fait l'étude de deux ordres de grandeur, on le fait toujours en début. C'est quelle est la hauteur maximale d'un mont qu'on peut avoir sur une planète en fonction de sa gravité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une. À partir d'une certaine hauteur, tu vas avoir une pression à la base de ta montagne, parce que tu vas avoir une masse importante au-dessus. Et à partir d'une certaine pression, la roche va rentrer en fusion, va faire fondre, et la montagne va s'enfoncer. Et en fait, en fonction de la gravité présente sur la planète sur laquelle tu es, tu auras une hauteur maximum, et sur Terre, c'est 9 km. C'est une approximation, tout ce qui est en fonction de la température de fusion de la roche et la gravité. Je finis après, Renan. Et sur Mars, c'est 27 km. Et il y a le mot Olympe, qui est le plus grand mont de notre système solaire, qui est sur la planète Mars, non, qui fait 27 km d'altitude. Putain, voilà. Stylé. 27 000 ou 27 ? 27 km. C'est tout. On est à 8 km sur Terre. C'est tout. C'est 3 fois plus que sur Terre. Plus de 3 fois plus. Je suis déçu. T'es déçu, tu t'attends à quelque chose. Il est sérieux, lui. Parce que la planète. Je trouve des planètes plus grandes pour me satisfaire. Alors. Ouais. Non, justement, plus la planète sera petite, gravité, plus tu auras de chances que la hauteur sera grande. Ouais. Parce que plus elle est petite, moins il y a de masse, moins il y a de gravité. Moins il y a de gravité, plus la montagne pourra être haute. Une leçon intéressante. Je te laisse. C'était le quart d'heure physique. Non, en vrai, j'ai kiffé. C'est un rappel Vissos sur YouTube, j'adore. Ouais. Non, c'est vrai. Vissos. Mais on va rater les sciences parce que c'est. Digression. Repartons dans le monde. Je commence à avoir la peau, l'urticaire à la peau, là, c'est absolument insupportable. Donc, pour l'instant du 19e siècle, on s'amusait bien, on a essayé de monter, mais bon, on attrapait froid, donc on rentrait. 1921. On arrête les conneries. La Royal Geographical Society donne autorisation pour explorer la montagne. Ils disent go. Le Népal dit go. Renan dit go 14 fois par heure. Et mais la façade chinoise est ouverte. Il faut savoir que ça, c'était pratique parce qu'en fait, c'est moins dangereux. Parce qu'en gros, la façade Népal, elle est assez vénère. Donc, go façade chinoise qui est plus douce, tu vois, plus soft. Go, ouais. Plus smooth, tu vois. Et donc, on a des premières expéditions avec... du colonel qui est dirigé par le colonel Charles Howard Bury. Et alors attention, ça me fait rire parce que genre ça c'est typiquement, tu vois, le genre de mecs qui sont périnégromanes, et c'est des gros tarés, genre c'est des mecs qui n'ont pas le temps, tu vois, genre le mec est allé à Angkor Wat en Chine, au Népal, il est allé dans le Gange, il est allé à Badrinath, il est allé dans les villes sacrées, et il est allé dans une ville sacrée en Inde, et il a la réputation d'avoir tué un tigre qui avait dévoré 11 fakirs et sages. Ah oui, d'accord. Le mec n'a pas le temps. À main nue, évidemment. Ouais. Le mec rencontre des... Il va au Tibet aussi. Il rencontre des moines bouddhistes. Ça part, hein. Un délire. Et il va à la Première Guerre mondiale. Il est tellement traumatisé qu'après, il fait un voyage spirituel. Et il fait un pèlerinage de 11 mois entre Lhasa, qui se trouve dans le sud-est de la Chine, et il va vers Katmandou. C'est 1000 km qu'il fait en s'arrêtant tous les 3 mètres en faisant une prosternation rituelle. Waouh! Tu peux rappeler le nom de cette personne que j'ai envie d'imprimer? C'est le mec Badass. Monsieur Badass. C'est Monsieur Badass, colonel Charles Howard Bury. Charles Howard Bury. Voilà. Et donc, il est avec son petite équipe, notamment George Mallory. Et donc là, ils arrivent à. Enfin, ils essaient de monter, mais finalement, ils ont un problème. Enfin. Rayburn abandonne l'expédition à cause de la santé. Rayburn, c'était un des mecs. Donc finalement, Mallory, c'était lui qui dirigeait. Enfin, c'était lui qui était genre, comment dire. Bury, lui, il était pas venu. Genre, lui, il dirigeait les plans, mais il leur a dit où aller, comment faire. Mais il était pas venu avec eux. C'était Rayburn qui était venu avec eux, ils sont dirigés. Donc finalement, c'est. Enfin, pour vous dire le truc bite un peu. Genre, ils y vont. Il y a un mec qui chope un rhume. Il fait, je rentre chez moi. C'est fini, là, voilà. Ma bouche pue, là, voilà. Je rentre chez moi. Donc Mallory, il fait, frère, t'es sérieux? Après, Mallory, il est obligé de prendre le truc en main. Finalement, ils arrivent au col Nord, et là, ils sont surpris par la mousson, le bordel. Ah. Là, ils se prennent la flotte. Enfin, franchement, on a vu mieux. Mais ils rentrent chez eux, mais ils arrivent à dire que l'expédition leur semble envisageable. En gros, ils sont en train de se dire que, avec les techniques actuelles, si on n'a pas eu la mousson et Rayburn qui nous a chié dans, la colle. Chié dans les bottes. Ouais. Chié dans les bottes. on l'aurait fait. Et finalement, c'est intéressant parce que George Mallory, lui, le mec qui avait dirigé, il a essayé pendant 3 fois de monter l'Everest et à la fin, au bout de la 3e fois, il a disparu en fait. On l'a vu au niveau du sommet, un Espartan qui s'appelle Odell l'a vu et après on l'a pas revu descendre. Donc en fait, au final, on ne saura jamais, puisqu'il n'a jamais pu témoigner, s'il est monté au sommet, il a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps. Et juste avant cette 3e essai, genre le mec un peu mythique, hein, il y a des gens quand même, franchement, les gens qui les alpinistes, j'ai l'impression que c'est un peu des dieux, enfin je sais pas, c'est pas des gens comme nous. Et donc le mec, dans un entretien accordé au New York Times, le 18 mars 1923, ça va ou non? Non, le New York Times demande à Mallory, pourquoi est-ce qu'il essaye, pourquoi il veut à tel point monter l'Everest? Et Mallory lui répond simplement, because it's there. Parce que c'est là. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que parce que c'est là, genre l'Everest est là, ou parce que c'est là, et là, c'est est ouvert à interprétation? Est-ce qu'il y a un truc au sommet de l'Everest? Non, il y a l'air. Des friandises, des vierges. Mais il y en a plein. Alpha F3, je sais pas, enfin un truc comme ça, un truc secret qu'on veut, quoi, enfin je sais pas. Mais là, il y a plein de gens. Et qui... franchement, je trouve ça très freudien. Quoi, pardon, tu veux dire quoi? Non, mais je vais dire que, enfin, il y a rien en haut de l'Everest, parce que maintenant, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont été maintenant et ils reviennent. Mais ça se trouve, ils le disent pas, ils le gardent pour eux. Le complot de l'Everest, gros, tu connais pas? Je connais pas. Donc, moi, je trouve ça très freudien. Des hommes matures et virils qui montent un col. Bon. Mouille, là. Ouais. Je crois qu'ils recherchent leur mère. Hein. Je crois qu'il y a une recherche de la mère. Voilà. On continue. C'est long, hein, c'est long. Je suis désolé. Vous allez devoir encore me supporter un peu. Finalement, j'en arrive à la fin de l'histoire. Donc, comment est-ce qu'on est... année? Oui, voilà. Le 29 mai de la même année. Donc, c'est-à-dire 1923. Absolument. Oui, pardon. Oui, j'ai trouvé un moyen de le bien présenter. Oui. Donc, non, pardon, c'était en 1952, je me trompe. Ouais. 1952. Donc, le 29 mai 1952, finalement, Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Donc, Edmund Hillary, c'est un Britannique, et Tenzing Norgay, c'est un Sherpa. Alors, il faut savoir qu'en fait, souvent, quand on monte l'Himalaya, on y va avec des Sherpas. Mmh. Alors, Sherpa, c'est un groupe ethnique vivant en altitude, et qui sont, d'une certaine manière, un peu formés à l'altitude, et que souvent, on en prend pour expédition. On en prend de 20 à 30, j'ai lu, donc ça fait beaucoup, quoi. Oui, s'ils descendent en altitude, il y en a qui ne supportent pas de descendre en altitude, même. Et parce qu'ils ont l'ADN pour vivre à cette haute altitude, et aussi, ils ont été habitués toute leur vie. Donc, voilà, Tenzing Norgay a donc accompagné l'expédition. Ils ont plus de globules rouges, aussi. L'expédition de John Hunt. Donc, finalement, ils ont quand même réussi à faire le truc, il faut quand même le dire. Ils ont réussi à le faire. Mais ils ont réussi grâce aux réserves d'oxygène des Suisses. Donc, pour une fois dans l'histoire, les Suisses ont été utiles. Voilà. Lol. Faut le dire. C'est une, le dis en tant que français. Un petit truc. Mais évidemment. Donc, ils partent à 6h30. Finalement, ils franchissent le sommet sud à 9h. Ils atteignent l'objectif à 11h30. Le truc correct, ça va. Bouillant. Bon, petite promenade, quoi. Petite promenade. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Faut arrêter. Je pensais que ça mettait plus de temps que ça monter l'Everest. Et finalement, le truc drôle, c'est qu'en fait, quand Hillary revient et retrouve l'un des les mecs d'expédition, il dit « Well, George, we knocked the bastard off !» Ce qui veut dire, en français, « Eh bien, George, on se les fait, ce bâtard !» Donc on sentait vraiment la joie d'avoir atteint le sommet de l'Everest. Et il faut quand même rappeler que ça a mis un siècle à vraiment monter le sommet de l'Everest, parce qu'on avait, déjà eu des premières tentatives en 1852. Alors, en 1943, en fait. Oui. Pour ajouter, quand tu fais. Alors, je me suis intéressé à l'alpinisme, mais j'ai lu des livres dessus et j'ai eu de la chance de faire quelques petits sommets du massif de l'écrin. Des écrins, pardon. Alors, quand tu fais de l'alpinisme, ça prend du temps. C'est-à-dire que pour l'Everest, ça dure plusieurs semaines. Déjà, tu montes un certain palier. Tu t'acclimates, voilà, tu restes là, tu manges, et ça peut prendre 2 semaines le temps que ton corps produise assez de globules rouges. Voilà. Pour que quand tu arrives à une altitude, ton corps fasse. Ouh! Pourquoi il n'y a plus d'oxygène et tu tombes dans les vapes, en fait. Donc tu montes et donc pour l'Everest, je pense qu'il y a 3 ou 4 paliers, en fait. Et il y a un palier juste avant l'avant-dernier, il me semble. qui est très touristique. Et en fait, l'Everest, c'est pas spécialement le plus dur. Il y en a d'autres qui sont plus durs. Le K2, notamment, et qui est assez technique. C'est pas forcément le plus dur. Et dans celui-là, il y a même un cinéma, une infirmerie dans le dernier Paris. C'est vraiment devenu très touristique et c'est très pollué aussi, comme tu as dit, Félix. C'est vraiment devenu un lieu touristique, l'Everest. Et même, par exemple, pour, dans les Alpes, tu as d'abord une montée en refuge. Et ensuite, tu fais le sommet avec les crampons le matin très tôt. Donc, c'est pour ça qu'ils partent à 6 heures avant que le soleil arrive. Et ensuite, ils arrivent quand ils peuvent et ils redescendent. Parce que sinon, sur la neige, le soleil tape vraiment beaucoup. Oui. Du coup, on peut se brûler. Tu connais les bails. Avec le reflet. Ouais, je connais les bails. T'as des lunettes qui sont là, des lunettes de soleil assez vénères, avec des indices assez vénères. Parce que ça brûle les yeux. Okay. Voilà. Et la peau aussi. Donc ça se fait en plusieurs paliers. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais j'étais mauvaise foi. Bien sûr, ce sont des expéditions. Donc on y va et on installe un campement, on attend, on monte, on installe un campement, on attend. Les Sherpas montent tout, en fait, au palier. Parce que tu restes ici 2 semaines, tu t'y vas pas avec un sac de couchage et un paquet de carambars, tu vois. Faut tout monter. Toi, t'y vas pas, moi, j'y vais comme ça, moi. Lui, il y va comme ça, évidemment. Il est russe. Avec sa bite et son couteau. T'y vas en tongue, non? Non, pas en tongue, c'est pas pratique. C'est pas pratique pour monter en tongue. J'y vais en sandales. Beaucoup plus pratique. C'est vrai. En Birkenstock. Sandales crampons et, alors. Et les Sherpas en soi, c'est eux qui montent tout le à chaque étape. Donc ils portent des masses importantes et ils montent aussi au sommet. Ils accompagnent les explorateurs qu'après on met en avant. Mais c'est leur balade quotidienne quoi. C'est arriver au sommet de l'Everest quoi. Normal. Bah, ils font ça le matin, petit jogging, voir le soleil se lever. Petit Everest. Il y a aussi des Sherpas qui meurent tous les ans pour faire ce travail qui est assez dangereux. Et bien. Absolument. Ah ouais. Mais c'est vrai que je me dis. Il y en a beaucoup qui meurent. Ah bah, tu peux regarder, je pense, sur internet. Et t'as des stèles dans toute la chaîne de l'Himalaya pour noter les morts qui ont d'alpinisme. Tu les retrouves même pas en fait en soi. C'est voilà. Triste. C'est jouer avec le danger, ça fait partie du jeu. Du jeu. Mais bah. Et moi je me suis dit que ça devait être vachement beau de se lever à 6h30. Il devait quand même déjà être assez haut quand même. Et se lever à 6h30 et voir le soleil se lever depuis l'Himalaya, ça doit être quand même vachement stylé. Ouais. Voilà. Même si tu cailles, je pense que tu cailles très, très sévère. Ah bah t'as une petite bite. Hein. Je pense qu'au sommet de l'Himalaya, on se cache pas. T'as une petite bite parce que c'est une sacrée leçon d'humilité. En fait, tu te sens minuscule à côté de la montagne et tu te dis putain, je suis en train de me dire que je suis en train de monter ça. Quoi. C'est ça. T'es en train de monter ça. Et pour la petite histoire, en fait. Il y a eu un bon compte de circonstances. En fait, finalement, la nouvelle, parce qu'il fallait après, à l'époque, 1853, on n'avait pas encore le téléphone et l'internet. Donc, finalement, le temps que la nouvelle qu'on arrive au sommet de l'Himalaya arrive en Angleterre, parce que c'était encore une expédition britannique, le temps que ça arrive, l'information, eh bien, c'était le 2 juin 1953, qui est le jour du couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Donc, en fait, finalement, ça a été dit en même temps qu'elle était couronnée. Donc, beau voilà. Cadeau de couronnement. Waouh, d'accord. Et finalement, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que franchement, c'est vrai qu'on avait une grosse présence du champ lexical de l'alpinisme, enfin des hauteurs en fait, dans la politique. On dit toujours que un politique monte les sommets, enfin on a toujours dans l'idée de la présidentielle une idée de monter vers le sommet, tu vois. Donc, qui est aussi lié au rapport hiérarchique entre le pouvoir et le peuple. Mais on a vraiment un truc, cette idée, voilà, toujours de monter vers le haut, tu vois. Que je trouve intéressante, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on monte toujours vers le haut, en fait? Parce qu'on peut pas monter vers le bas. Non, mais en soi, tu pourrais dire, t'es à la base, c'est toi qui soutiens, mais oui, en effet, on monte vers le haut. On a une naine à base, n'est-ce pas? Et pas une cat à base. Fais pas le malin avec ton grec, là. Parce que moi aussi, je parle grec. Voilà, on va sortir le grec de la salle. Tu parles le grec? Ouais, le grec ancien. On va parler grec. On va parler grec. On va dédier les langues en grec. J'ai pas compris, c'est quoi la blague, mais ok. C'est gay. On va arriver à la fin de l'émission. On l'a dépassé d'une quinzaine de minutes encore, comme d'habitude. Solide. Ça dépasse. Solide. En même temps, avec moi, forcément, ça dépasse. Bah oui, c'est ça les 15 minutes de. Ça dérape, Dimitri, là, c'est trop facile. Merci beaucoup à Félix pour ton intervention. C'était très intéressant. Merci. Et je ferai des recherches aussi sur. Merci, Pénix. Personnellement, pour savoir les entreprises qui adhèrent et qui ont ce principe. Je pense que c'est le futur, je pense. Merci, Pénouz. Je vous encourage tous à vous intéresser à l'ESS. C'est effectivement le futur, selon moi aussi. Merci, Phoenix. Merci. Merci, Dima. Merci. Merci, Alexandre, pour ta première émission. Ça t'a plu? Bonne soirée. Beaucoup. C'était pas trop douloureux, ça? Est-ce que tu vas revenir? C'est ça qu'on te demande. Alors, justement, c'était très douloureux parce qu'il se trouve... Bon, je vous raconte ma vie un petit peu. On a plus de temps, c'est pas grave. Les casques serrent beaucoup et j'ai à l'oreille ce qu'ils appellent un kyloïde qui me fait très mal. Et du coup, le casque m'a pourri l'oreille. Voilà. Bonne soirée. Ah merde. C'est pas grave, tu t'en remettras. On va te... La prochaine fois, je te passe des écouteurs. Bon Renan. Bonne soirée Michel. Bon, bon Mathias. Juste un petit point sur Radio Campus Orsay. On fait la réunion maintenant. Transparence. Tout ce qui se passe, vous le savez. Non, la semaine prochaine, c'est la semaine des vacances sur le Paris Sud. Et on va installer la programmation. Donc vous pourrez écouter nos premières émissions qu'on diffusera tout au long de la journée. Voilà. Donc la programmation sera une programmation pas très riche en contenu divers, mais sauf qu'on aura ce qu'on a fait. Il y aura Radiocratie, je pense. Normalement. Oui. Enfin, si en fait même il y aura. Oui, il y aura. Il y aura dans la programmation. Non, mais je veux dire, la semaine prochaine, il y aura. Il y aura Radiocratie la semaine prochaine. Et il y aura les prénoms aussi la semaine prochaine. Un produit lundi. Et il y aura un produit lundi. Voilà. Ah ouais. Stylé. Je crois bien, ouais. Et B. Et il y a encore d'autres émissions encore qui vont arriver bientôt, je dis ça toutes les semaines, mais c'est parce que c'est vrai, et les émissions arrivent de plus en plus, et même si vous n'êtes pas encore en live, c'est parce qu'il y a des émissions pilotes qui sont faites et qu'on réécoute après. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des gens de la fac qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le slogan que t'as lancé, Mathias, sur la radio la moins écoutée de France. Ils ont trouvé ça très drôle, très... Alors, c'est Radio Campus Orsay, la radio moins écoutée de France, profitez de l'exclusivité. Voilà, c'est pas mal. Et ils ont dit qu'ils avaient bien aimé, donc... Est-ce que c'est un petit peu une radio pour les hipsters, du coup, pour les très, très hipsters? Je crois qu'on est à un niveau d'hipsterité très élevé ce soir. Très sensible. Alors, je vous laisse sur la musique de fin, qui était aussi la musique de début, et on se retrouve la semaine prochaine dans les prénoms. Et panadiplose, direct. Bon, on se kiss, peace. Et, allez, et donc on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt Michel. À très bientôt. À bientôt Laurent Baffy. History, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Blind to us, blindness, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up world, wake up world. Wake up and stop sleeping. Wake up Africa. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Stand up and arise. We'll block all life penalty. Experience that what we got here for is existence. But now we decide to use the same hatred to suppress our own brother. It's so comfortable to say racism is the cause, not the cause. This time it sounds same body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they gave to us. To abuse our guns. Wake up world. Wake up and stop sleeping. Wake up Africa. Wake up and stop sleeping. Open your eyes. Your eyes. Stand up and arise. Who block all life penalty. Let got to learn from pain. Back the knife.